Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et aux autres et bienvenue dans ce nouvel épisode de Faucon Millennial, le podcast le plus de la galaxie. Je suis Grushkov et je serai aux commandes de ce tas de ferraille complètement dégueulasse, accompagné par mon n'est-ce pas ? Par mon fidèle équipage composé de Tuki. Bonsoir. Matt. Salut. Adrien. Tu fais vachement bien le sabre laser. T'as vu ? Et Funeli. Merci. Voilà, aussi. Enfin quelqu'un qui est dans le bon esprit. Cette semaine, vous l'aurez compris, on se retrouve pour discuter des vibro-lames. Non. Et des. Attends, il faut que je retrouve la liste. Des armures Beskar. Des armures Beskar. Les fusils Verpin. On est là pour parler et aussi des contre-sabres et les vibro-lames et autres armes qui peuvent. En fait, les armures des gardes de Snoke ainsi que leurs armes. En fait, tout sauf les sabres laser. Vous êtes contents? On n'a même pas pris de screen de nos trucs. On est vraiment nul à chier. D'accord, j'ai pas eu le temps de préparer le stream parce que j'avais besoin de faire caca. Voilà. Vous savez tout maintenant. Parce que on est extrêmement préparé d'habitude. Comment ça va tout le monde? Je vois qu'il y a Bash qui est là, s'il n'est pas encore parti. Je vois qu'il y a Saito, qu'il y a Glantime, Ayn. Si vous regardez si vous écoutez le podcast en différé, pas différé, mais après en fait, n'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur Twitch afin de écouter nos podcasts en direct. Ouais, pour avoir ce genre de saloperie, mais en direct. Oui. Ça parle de vibro, oui. Oui, voilà, on va parler des vibros. Non, pas du tout, en fait, on est là pour parler des vrais, des originaux, des sabres laser. Est-ce que vous êtes contents? Est-ce que vous applaudissez? Faites « Ouais !» Alors, je m'étais pris à un truc pour la voix, mais j'ai pas eu le temps de le mettre en route pour aujourd'hui, donc ce sera la prochaine émission. Oui, vous avez remarqué, Xehanort n'est pas là, c'est parce qu'il déteste les sabres laser, en fait. C'est parce que lui, comme c'est un Ewok, il aime que les trucs en bois, ce genre de saloperie, il voulait pas venir. Mais il suffisait de dire « j'aime pas » et on pouvait pas venir. Non, pas toi. D'accord. Hein, mais et comment ça alors, Glantime, je vais t'expliquer un truc par rapport au corps humain. C'est pas par la vessie qu'on fait caca. Ah bon? Ouais. Du coup, on va pouvoir parler un petit peu, maintenant qu'on a bien parlé de caca, on va pouvoir parler des sabres laser sous toutes ses formes. En tout cas, les formes qu'on connaît à peu près pour l'instant. Et on va déjà commencer par d'où est-ce que ça vient, les sabres laser? Pourquoi ça existe? C'est très simple, en fait. Il fallait un duel. Parce que George Lucas, il aimait bien voler les trucs culturels des autres pays. Donc il a vu les sabres japonais, les duels de sabres japonais. Il s'est dit, je vais faire la même chose, mais dans l'espace. C'est ça, hein? Oui. C'est à peu près ça, ouais. C'est 300%. Le capi d'épée aussi, hein. Puis même le monomythe, simplement, c'est bourré d'épées là-dedans. Hein. Enfin, ouais. D'ailleurs, un truc qui est extraordinaire, c'est qu'au final, le sabre laser qu'il donne à Luke ne sert absolument à rien dans le premier film. Il n'y aurait pas eu de suite, ça n'aurait rien... Enfin, il ne l'aurait jamais utilisé, juste pour son entraînement, quoi. Ouais, mais je suis pas trop d'accord. Ferme ta gueule, alors. Oui, d'accord. Là, t'es d'accord. Mais... Discute, maintenant t'écoute. Oui, on est là, on parle non, de comment ça fonctionne. Je ne parle plus. Ah, oui, j'en parlerai plus tard. On va le respecter, hein, donc je parlerai plus tard. Oui, donc, voilà, un sabre laser, qu'est-ce que c'est? C'est une épée, la lame, elle est laser. Il y en a un bleu pour les gentils, un rouge pour les méchants. Enfin, pendant les deux premiers films. Après, c'est parti un peu en couille à un moment. mais en gros, le truc basique, c'était ça. Alors, il ressemblait un peu à rien dans les premiers films. Hein. Les lames, c'était un peu fait à l'arrache. Mais, en gros, dans les premiers films, c'était quoi? C'était des gros néons, en fait. C'était... Ah non, non, ouais. C'était même plus simple que ça. C'était des bâtons, en gros, hein, mais recouverts de scotch réfléchissant. Ah oui, après, pardon. Ils ont dû tout rotoscoper ensuite et bah, faire un effet après par-dessus pour obtenir les sabres, des trucs à peu près potables. Alors après, forcément, avec les éditions spéciales et compagnie, ça a une autre tronche, mais à la base, ouais, c'était quand même pas foufou. Je trouve que d'ailleurs, en parlant des éditions spéciales, le sabre de Luke, en fait, même d'Obi-Wan dans le premier film, donc dans l'épisode 4, même dans l'édition de 2011 que j'ai en Blu-ray, c'est très moche. Ils n'ont pas réussi à refaire bien le sabre laser. Voilà, c'est de tout. Quoi ? Ils ont, je veux dire, même dans l'édition spéciale, le sabre est moche dans l'épisode 4. Le sabre, il ne ressemble à rien. C'est tout. C'est pas très gentil. Non, mais voilà, mais juste, je trouve que ça marche pas bien. Voilà, c'est tout. Ouais. D'accord. Vous savez, ce qui est rigolo, c'est que du coup, au final, il ressemble à rien, mais pourquoi ça marche les sabres laser ? C'est parce que, on connaît tous le bruit que ça fait, et c'est vraiment de là que c'est parti, en fait. Les sabres laser, ils feraient pas les bruits de sabres laser. Eh ben, ce serait vachement moins stylé quand même, hein, on va pas se mentir. Évidemment, le légendaire Ben Burtt, c'est lui, le sound designer qui s'est occupé de ça. Et il a fait vraiment... Enfin, il touchait un peu à tout. Et il cherchait vraiment plein de sons un peu partout. Hein. Vous pouvez voir facilement des documentaires où tu le vois aller taper sur des câbles pour faire les piou-piou, tous ces trucs-là. Et, c'est les blasters, je crois, les câbles... Oui, c'est ça, les piou-piou. Hein. Ouais. Oui. Et c'est resté vraiment dans la culture populaire. Hein. C'est pas que dans Star Wars que c'est resté. Mais je sais qu'il y a Adrien ou Matt qui voulait vraiment plus parler du son. C'est moi. C'est pour le coup, voilà. Je veux pas te piquer ta place. Ah, t'es adorable. Donc je vais te laisser y aller, mon petit bonhomme. Je pense que vous le savez, hein, moi si je suis tombé dans Star Wars et si pour moi c'est aussi important aujourd'hui, c'est grâce justement au son de Ben Burtt. Tu l'as très bien résumé, Grushkov. À mon avis. Les sabres laser ou les sabros laser de la première version française, on oublie toujours ça, mais c'est absolument extraordinaire. Eh bien, n'auraient pas été les mêmes, n'auraient pas eu le même succès si Ben Burtt n'avait pas travaillé autant ces sons-là. Et donc, il faut savoir que Ben Burtt, à la base, il devait faire en premier les sons pour Chewie, en fait. Et en fait, lui, il était fasciné par les sabres laser. Il avait vu des concept art et tout, et dès le début, il était complètement halluciné. Il n'avait vraiment qu'une idée en tête, c'était vraiment faire ce son. Et il a même annoncé dans des reportages que les sons, il les avait déjà en tête avant même de les faire. Et donc, il les a fait. Alors, la manière dont il les a fait, c'est assez incroyable. En fait, Ben Burtt, il a été projectionniste pendant pas mal de temps avant. Et quand il était dans la cabine de projection, il entendait un bourdonnement, un bruit blanc qui voilà, résonnait. Dans les cabines de projection. Et en fait, il s'est dit, putain, ça marche bien, ça, comme bruit de sabre. Donc, il a enregistré ce bruit-là. Après, il s'est dit, il n'y a pas assez de matière, ça fait pas, il n'y a pas assez de sentiment, ça ne bouge pas assez comme son. Donc, il s'est dit, bon, bah, je vais essayer d'enregistrer d'autres trucs. Et il est passé dans une pièce avec son micro. Et avec la télé, ça faisait des interférences avec le micro. Ouais. Et du coup, il a enregistré cette interférence. Il a collé les deux sons, et de la cabine de projection, et du scintillement de la télévision, et ça a fait le fameux bruit de sabre laser qu'on connaît aujourd'hui, et en fin de compte, après, pour les différentes variantes, hein, quand le sabre bouge et tout ça, il a donc joué les sons dans une pièce, et avec le micro, avec l'autre micro, et ben, il bougeait pour que les sons soient spatialisés. Donc c'est absolument incroyable, c'est un travail de dingue et un travail qui résonne, si j'ose dire, encore aujourd'hui. Et pour les impacts, ils faisaient comment, du coup ? Ah bah écoute, je demande à Ben Burtt, moi, je sais pas. Il faisait toucher des trucs. C'était littéralement qu'il faisait se toucher les deux trucs. Justement, ce qu'il utilisait. Il en prenait deux, il les faisait se toucher, mais ça marchait bien. C'est dégoûtant, c'est mais le résultat est ouf. C'est dégoûtant. Non, non, ça va parce que c'est pas organique. T'en fais pas. Ah d'accord, c'est bon. On a dit stop. On avait dit stop quoi? Stop le sabre laser. En vrai, il me semble qu'il y a, certains, sabres laser. Je crois que le Dark Saber, par exemple, il ne fait pas tout à fait le même bruit que les autres. Non, ouais, ils ont tous des bruits différents. Il faut dire qu'il n'est pas tout à fait comme les autres non plus. Oui, c'est vrai aussi. Il y en a deux qui n'ont qui pas du tout été faits pareil. Le truc, c'est que je n'ai pas trouvé comment leur son avait été fait. Mais celui, de, ouais, celui du Dark Saber, il est rigolo parce qu'il est vraiment très aigu. Il ne fait pratiquement pas dans les graves. Et ça lui donne vraiment encore plus un son d'épée genre que tu sors quand tu la sors du fourreau, tu sais, le ching. Ouais ouais. Et quand c'est vrai quand il se déplace aussi quand il y a des bruits de frappe avec, c'est quelque chose de vachement plus plus aigu, ouais, plus un truc comme un truc qui file dans l'air quoi. Ouais, c'est plus ça. Néon. Ça me fait plus penser à un néon le bruit du sabre laser là, du Dark Saber, pour le coup, c'est vraiment un... Et l'autre qui est très spécial aussi, c'était celui de Kylo Ren, qui, lui, pour le coup, va plus... Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il va plus dans les graves, mais par exemple, quand il fait des mouvements rapides avec, ça va aller très, très dans les aigus, comme si tu faisais crisser une craie sur un tableau. Même le son, comment dire, je vais le dire en anglais... Craquelé. Il craque constamment, on le voit et on sent qu'il est vraiment instable comme machin, ça marche vraiment. Je suis assez étonné de ce qu'ils ont réussi à faire parce que pour le coup, Ben Burtt il bossait pas là-dessus et pour ce sabre laser là, ils ont vraiment fait un super boulot, je trouve, au niveau du son. Vous voulez dire que les sons du sabre laser reflèteraient la personnalité du jeune Ben Solo? Non. Justement. Je fais exprès pour t'en C'est goûter. Ça qui est incroyable, c'est que ça marche bien. Mais aussi, je trouve, alors ça, je sais pas vous, mais j'ai toujours trouvé que le son du sabre d'Anakin dans la post-logie avait un bruit différent des autres trilogies, en fait. C'est pas le même son. C'est pas le même, de toute façon, dans les trois films non plus. Hein. Oui, mais même, tu regardes dans l'épisode 4-5, c'est le même que dans l'épisode 7. Pour autant, il n'a pas le même son, je trouve. Bah oui, mais parce que ça a été remasterisé. Oui, bien sûr. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est que... Et c'était pas le même, justement. C'était une nouvelle équipe de... ouais. Au niveau du son. Mmh. Voilà. Est-ce que tu avais d'autres choses à dire par rapport au son? Non, si ce n'est que... ouais, tu l'as très bien dit tout à l'heure, hein. Vraiment, je pense que ça fait partie du succès de l'objet, quoi. On a tous déjà imité des sabres laser avec ses copains dans la cour de récré en faisant des... Non, pas moi, parce que j'avais pas de copains qui regardent Star Wars. Ah, putain, un jour, on jouera ensemble au sabre laser, si tu veux. Merci. Te plaindre. Mais c'est ça qui est assez cool, c'est que oui, chaque sabre a un peu ses sons à lui, mais aussi même selon la situation. Et c'est là qu'on entre dans le vif du sujet. Les sabres laser, c'est aussi beaucoup une façon de raconter l'histoire aussi et de poursuivre et de faire des dialogues d'une autre manière sans parler. Hein, on pense, moi je pense souvent. À la rencontre sur Bespin entre Luke et Vador, où t'as celui de Vador qui sort tout doucement, qui est vraiment vraiment posé, et l'autre qui fait hurler son sabre laser pour l'allumer d'un coup parce que il est vif, parce que il est pas patient. C'est vraiment comme Adrien l'a dit avec Kylo Ren, les sabres laser c'est une extension en fait de la personnalité des personnages. Ouais. Sauf dans la prélogie, parce que ça n'a aucun sens. Et puis dans l'épisode 4, mine de rien, il bavarde beaucoup pendant le duel. Hein. C'est. Dans la prélogie, tu peux choisir la couleur. Ouais, ça c'est tout un truc aussi. Déjà, oui, j'avais dit que c'était surtout les verts, c'était surtout bleu et rouge, et à la base, le deuxième sabre de Luke, vous devez le savoir, mais il était censé être bleu, sauf que sur Tatooine, il y avait beaucoup de soleil, de ciel bleu, et donc ça ressortait oui. moins bien, alors ils l'ont fait vert, et c'est comme ça que Luke a eu son sabre vert iconique. Ce qui est très bien, parce que comme ça, ça lui donnait aussi sa propre personnalité. Parce qu'on verra, ouais. avec le manche, il y a toute une histoire d'héritage, en fait, de parentalité qui est assez fun entre maître et apprenti celui de Luke de l'épisode 6. Il est beaucoup calqué, enfin, presque. C'est presque juste un reskin de celui d'Obi-Wan. Oui. Mais je sais pas si tu m'as mis ça, Matt, quelque part. Ah, mais c'était prévu, mais j'ai pas marqué sur le conducteur. J'allais y aborder tout ça. Mais... C'est celui-là. Voilà, là, il y en a plein que j'ai mis pour ceux qui voient en visuel. Celui de Luke, du Retour du Jedi, et celui d'Obi-Wan. Voilà, c'est pratiquement le même, mais juste, il y en a un des deux qui est plus shiny, quoi. Alors, si vous écoutez l'émission en audio. Je t'en prie. Non, juste, si vous écoutez l'émission en audio, on vient de mettre une image sur le stream, donc n'hésitez pas à aller voir sur YouTube. Mais voilà, oui, effectivement, le sabre laser de Luke dans Retour de Jedi, il s'est énormément basé sur celui de Obi-Wan dans l'épisode 4, et sur l'épisode 4 de Obi-Wan, il est. On voit les liens de parenté avec l'ancien aussi. Voilà. Même celui entre celui de Luke et de Dark Vador, ce qui est très drôle. Hein. C'est... Parce que. On va pas se mentir, c'était pas prévu que Dark Vador soit le père de Luke. Il s'appelle pas Vador parce que ça fait référence à du néerlandais. Il s'appelle Vador parce que c'est Vader et parce que c'est Invader. C'est comme Sidious. C'est Insidious. George Lucas, il aime bien la symbolique, mais c'est pas un linguiste non plus. Hein. Non, c'est pas ça, c'est Tolkien. Non, mais c'est quand même rigolo. La filiation entre celui-là d'Anakin, justement celui-là de Luke dans l'épisode 4, mm-hmm. celui-là d'Anakin, et celui-là de Vador. On sent que le mec il s'est pas embêté, il a refait le même. Hein. et en noir, parce que maintenant il est dark. Ouais. Voilà. Mais du coup, toute cette partie sur la symbolique des sabres et sur l'héritage, c'est énormément présent. Ça se voit dans le design des sabres, parce que si on garde l'image toujours, tu vas prendre celui de Qui-Gon. Voilà, je suis en train de celui d'Obi-Wan, justement, mais dans la prélogie. Et on voit, alors, pas autant de similitudes, mais on retrouve notamment le grip, qui est quand même assez inspiré. Enfin, mm-hmm. Il y a à chaque fois, il y a une idée de transmission entre le maître et l'apprenti qui se fait à travers le sabre. Bah, je dirais même que le... De la même façon, en se basant sur le travail de son maître. Le dernier d'Obi-Wan, il a aussi une filiation avec celui de Qui-Gon. Tu peux voir une petite partie près de l'émetteur qui ressemble. En fait, les bouts ressemblent plus, alors que c'était la partie plus intérieure qui ressemblait quand il était Padawan. C'est là que tu vois que c'est très rigolo, parce que ceux de Dooku, Yoda et Qui-Gon, par contre, ils ont rien à voir les uns avec les autres, mais en même temps, est-ce que c'est pas logique vu que c'est tous un peu des rebelles? Enfin, surtout... C'est logique, et puis on parle quand même de mecs qui sont largement confirmés maintenant et qui ont eu le temps aussi de se... Peut-être que le premier sabre de Qui-Gon avait la gueule de celui-là de son maître, hein, simplement. En plus, Dooku, lui, il est parti sur une autre voie avec un style totalement différent, mais justement, pour Dooku, tu vois énormément l'affiliation pour 23, qui est son apprenti, qui... Attendez, mais... Et on non, retrouve... je regardais l'image, et du coup, est-ce que ça veut dire que Maul, c'est l'apprenti de Windu? Sûrement. Je voulais poser la question. C'est littéralement le même. Le de Windu dans l'épisode 1, il est énormément calqué sur celui-là de Maul, c'est abusé. Il n'y a pas de mousqueton sur les sabres. Si, techniquement, il y en a, c'est juste qu'ils ne les affichent pas. Pas vraiment des mousquetons. Est-ce que tu peux zoomer sur l'image? On va prendre celui de Obi-Wan de la menace fantôme. Il est parfait. Oui, c'est celui qu'on voit le mieux. Hein. Ouais, c'est un D-ring là. La petite partie noire que l'on voit tout au bout, à droite, sur à côté de la paume. On voit aussi sur celui de Qui-Gon. Voilà, on voit aussi. C'est une espèce de petit clip, voilà, en forme de O. Et du coup, ça vient se clipper à la ceinture. En tout cas, pour ceux-là, ça marche comme ça. Pour d'autres... Bah, sur celui de Luke, il y a carrément un D-ring, là, on le voit. Ouais. Anneau, carrément. Ouais. Ça dépend un peu des modèles, mais ceux de la prélogie, pardon, c'est bien fichu. C'est voilà, comme les attaches de portable des années 2000, des Saito, c'est exactement ça. C'est exactement ça. D'ailleurs, c'est rigolo. Les clips de Daron à la ceinture. C'est rigolo, les attaches des sabres, parce que il me semble que c'est arrivé relativement récemment où d'autres Jedi portaient leurs sabres de manière différente. Comme Ben Solo qui le portait au niveau du dos. Ouais, merci de nous avoir refilé l'image, du coup, Adrien. Alors, pardon. Oui, dans un comics, aussi... on le voit le mettre dans son dos. Et aussi, dans la High Republic, il y a aussi des personnages qui font ça, qui mettent leur sabre dans leur dos. Et je trouve ça absolument stylé. Au lieu que ce soit tout le temps la ceinture, ou alors au niveau du ventre, comme Yoda. Mais Yoda, il le met au milieu, comme ça, il peut faire la blague. Est-ce que c'est moi, mon sabre laser qui te touche? Ce vieux père. Où est-ce que je suis juste content de te voir? Sénatrice Amida, très content de vous voir, je suis. Vous pouvez le voir. Désolé, il est un peu sénile. Il est du sabre. J'espère que vous êtes content d'être venu. Hein. Oui, on a dit stop. Alors, on a perdu 6 viewers. Merci, Koshkov. Oh là là. N'hésitez pas à nous report au CSA, surtout. Moi, je voulais aborder des trucs un petit peu. Je voulais faire la jeu France Culture avec la symbolique, le monomythe et tout. Lui, il parle de l'hélicobite, c'est parfait. Bienvenue, on peut qu'on m'y Du coup. Là, on avait commencé, mais avant de parler de Zizi, on parlait du coup de ce côté héritage entre les générations. Mais voilà, je crois que Matt, toi, tu voulais parler d'un autre type d'héritage. Alors vas-y, mon petit chéri. Ça sera fait directement au monomythe. On a la transmission de l'épée. Ça, c'est quelque chose d'assez classique dans le monomythe. On a le comment il s'appelle déjà ce poème médiéval allemand, je cherche le nom, avec Siegfried, je sais plus si c'est ça le nom. Mais on a le héros, donc Siegfried, qui va reforger l'épée de son père pour aller tuer le dragon Fafnir. On tombe clairement là-dedans avec Kenobi qui est le mentor, forcément le vieux sage, c'est limite Merlin le mec. C'est typiquement ça qui va du coup transmettre l'héritage. En même temps, il transmet aussi, il donne aussi une amulette en fait au passage. C'est en ça que je trouve intéressant le sabre dans l'épisode 4, c'est que effectivement, il va pas s'en servir directement, mais il lui explique déjà l'histoire de son père, il lui transmet l'histoire de son père, qui est totalement différente de celle qui est au courant. qui est même pas en plus la vraie. Qui n'est pas la vraie, en plus, c'est totalement faux. Il lui apprend que son père a été un héros. Et en fait, Luke, en acceptant l'épée magique de son père, cette transmission, il se met en devoir d'accomplir lui aussi des trucs héroïques quelque part. Il prend le relais, si vous voulez. C'est un peu, c'est autant un poids qu'autre chose. Attends, tu parlais de l'anneau des Nibelungen, là, tout à l'heure? Non, non, c'est un autre. Okay, j'ai plus le nom du c'est un poème médiéval. Vas-y, continue, ma petite. Mais je t'en prie. Mais du coup, je ne sais plus ce que je disais. Oups, pardon. Non, mais il accepte la charge héroïque, si tu veux, que porte cette épée. Et il se met en devoir, lui aussi, de devoir tuer son dragon. Là, en l'occurrence, c'est l'étoile noire. Il s'y prend différemment. Mais parce que là, l'épée, elle joue le rôle, comme dit, de transmission de la charge héroïque de son père, mais en même temps ça prend le rôle d'amulette magique. Le vieux mentor, le vieux sage, il file souvent des amulettes comme ça dans le monomythe au héros qui vont le protéger, mais généralement l'amulette elle fait qu'elle protège, mais le héros il a rien à faire en retour, c'est magique, ça marche tout seul. Là l'épée c'est un peu différent, il y a un choix aussi, il doit savoir s'il va s'en servir pour faire le bien ou le mal. Est-ce que l'épée va être un symbole de justice ou de destruction? Là, pareil, ça colle plutôt à Anakin, pour le coup, c'est plutôt intéressant. Mais là, c'est vraiment Je prends le relais de mon père héroïque, je deviens aussi un héros. Il y a l'amulette, en gros, ça peut le protéger, mais il faut qu'il apprenne à s'en servir. Et derrière, il va aller tuer son dragon au final, à la fin, l'étoile noire. Donc c'est, bah, tout ça, c'est le monomythe, c'est basique. Hein, c'est le décalque du monomythe sur l'épisode 4. Mais le rôle du sabre dans tout ça est vachement intéressant, je trouve. Évidemment, comme ils étaient à fond dans la nouveauté, ils ont refait ça, hein, la même symbolique dans l'épisode 7. À ceci près que, au départ, l'héritage, il est rejeté par le personnage principal et donné à un autre personnage pendant une partie du film. Ce qui faisait un petit... Enfin, d'habitude, le rejet de l'aventure, c'est une étape à part par rapport à l'épée magique. Et c'était intéressant, mais aussi ça a permis évidemment de faire croire à tout le monde que Finn allait être un Jedi alors que c'était jamais le plan, et du coup tout le monde en parle encore maintenant. C'est un objet hyper chargé, même bah, justement mythologiquement. Tout ça, c'est tu vois un personnage dans Star Wars logiquement avec un sabre laser, forcément tu vas avoir certaines images qui vont venir et forcément tu vas déduire des choses, quoi. C'est du mais point de vue. Même, toujours, c'est extrêmement fort. Dans l'épisode 7, après que Finn l'ait perdu dans la forêt, t'as vraiment l'image arthurienne de l'épée plantée. Alors là, c'est pas dans un rocher, c'est dans la neige qu'on avait déjà vu hein, dans l'épisode 5. Mais cette fois-ci, ça a plus du tout la même portée. Et là, t'avais un truc qui était bien entre le chevalier noir qui essaye de récupérer le truc et le vrai héros qui récupère le sabre à sa place. Et vraiment, il y avait un truc super cool au niveau du sabre laser, de l'héritage de ce sabre spécifiquement dans les épisodes 7 et 8, justement, où la force s'exprimait aussi à travers le sabre, et ça racontait en fait l'évolution des personnages dans l'épisode 7. Le sabre, il n'existe même pas, il met une grosse claque à Kylo en passant le truc, c'est lui qui est obligé de se pousser pour laisser place à Rey. Dans l'épisode 8, là maintenant ils sont à armes égales, pas en termes de force, en termes de puissance, mais vraiment en termes de là où ils en sont dans leur évolution. Ils sont tous les deux en conflit, ils sont tous les deux un peu paumés, et il y aurait pu avoir un super payoff. Dans l'épisode 9, il y en a un, plus ou moins, mais le truc, c'est que là, ça lui est donné. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec le fait que... qui récupère le sabre laser, parce que ils ont introduit celui de Leia, alors ça c'est tout un autre truc, hein. Et du coup, il y a plein de monde qui dit pourquoi c'est pas Ben qui se bat avec le sabre laser de Leia, parce que narrativement, avec les deux films d'avant, c'est malheureusement celui d'Anakin qui fait plus de sens que Ben Solo récupère, parce que justement, il en était pas digne dans le premier film, dans le deuxième moyen, dans le troisième, justement, il aurait dû l'attraper par lui-même. Là, il lui est donné ce qui donne une des scènes qui sont sympas dans le film, mais et qui boucle un peu le truc. C'est le problème de l'épisode 9. Il y a plein de trucs qui sont bien bouclés, mais en même temps, c'est fait un peu par-dessus la jambe. En fait, les trucs qui continuent des deux épisodes précédents au niveau de la symbolique, ils sont là. Mais ils sont faits un peu à la va-vite, et du coup, c'est, ça n'a pas autant d'impact que ça aurait pu avoir justement, par exemple, de Rey qui aurait laissé tomber le sabre, et d'un seul coup, tu le vois filer dans les mains de Ben Solo, qui cette fois-ci aurait justement mérité le droit de l'avoir. Lui laisser le sabre de Leia. C'est ce que je disais, mais en fait, le sabre de Leia ne devrait pas exister. C'est juste ça, en fait, le truc. Oui. c'est tout un autre truc. Il fallait qu'il y en ait deux pour la fin du film. Bah oui, Rey aurait pu avoir le sien. D'un point de vue de... encore mieux, Rey, elle aurait pu en avoir un à deux lames qui se défait. Et comme ça, ils peuvent tous les deux avoir le même, et c'est tous les deux le même sabre Kyber qui a été brisé en deux. C'est bon. Du sabre d'Anakin. Enfin, il y avait plein de trucs à faire. Ils ont pris un peu la route de facilité. Honnêtement que le sabre, que ce soit le sabre d'Anakin qui aille à Kylo Ren, c'était une bonne idée parce que justement, enfin Kylo Ren, à Ben Solo, pardon. C'est ce que je disais. Oui, bien sûr, mais parce que justement, enfin, pendant toute la trilogie, son évolution à Ben, ça va être de putain, quand même, papy, il était stylé, j'ai envie d'être papy. Bah là, tu es ton papy, mais quand ton papy était vraiment, vraiment cool, quoi. Pas quand ton papy était un nazi de l'espace. Du coup, c'est cool. Ouais, mais il est mieux que son papy d'ailleurs, hein, mais ça, oui, largement. C'est aussi un peu comme ouais. Ça va un peu vite, c'est pas toujours. Il a vraiment réussi à terminer ce que Anakin a commencé à faire, quoi. Oui, mais ouais, donc t'avais tout ce truc là, vraiment, c'était... moi je trouvais ça super intéressant dans les deux premiers films, et ouais, un peu raté. Pareil au niveau de la symbolique par rapport à la postlogie. Un des trucs qui sont aussi controversés, c'est toujours par rapport à Kylo Ren, mais le fait qu'il se fasse transpercer par Rey, par son sabre laser au même endroit qu'il a transpercé son père, c'était super chargé de symbolique, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles ça n'a aucun sens qu'il remeure derrière. Parce que justement, t'as littéralement son plus gros. Comment on dit, son plus gros péché qui lui revient en plein dans la tronche, et il meurt, et enfin, t'as vraiment tout un truc mythologique et symbolique qui est là, et qui est un peu raté, mais voilà, les sabres laser, même dans Tross, je trouve, sont mieux utilisés que dans la prélogie. Parce que dans la prélogie, eh ben, ils sont vraiment surtout là pour le show, quoi, c'est vraiment là, parce que c'est des sabres laser, parce que c'est cool. Les sabres laser, ils sont là pour faire... Ah, attends, t'as un peu coupé, Finelli, refais-le. Ah, je dis, les sabres laser, ils sont là pour faire la bagarre. Oui, exactement. voilà, j'ai assez monologué, je peux vous laisser un peu parler. Je vois qu'il y a quelques trucs intéressants, justement, toujours par rapport à la légende arthurienne, qui sont pas totalement faux, en plus, dans le chat. Oui, Gluntine nous dit que Ben et Luke, c'est un petit peu Arthur et Mordred à cause de la rivalité entre une génération et la suivante. Et Rey comme Galahad, parce que c'est l'étrangère qui hérite de l'épée et du fardeau du chevalier Jedi légendaire Luke. Voilà, t'avais absolument. Tout un truc comme ça qui était... Il y a une énorme... clairement, dans la postlogie, surtout, le sabre de Luke, c'est faut clairement l'affilier même à Excalibur, simplement. C'est ça, hein. Excalibur, c'est l'épée qui est transmise par la Dame du Lac. C'est une épée magique déjà, qui porte une certaine volonté, qui est destinée à un porteur. Et lorsque ce porteur décède, d'ailleurs, l'épée retourne au lac. Enfin, c'est le véhicule de la destinée, si on peut dire. C'est vraiment le truc qui guide les personnages, qui entraîne tout le reste. Et le sabre d'Anakin... Dans la postlogie, c'est clairement ça. Comme tu disais, la force incarne un peu dans ce sabre-là, c'est exactement ça. On est vraiment là-dedans. Quoi. Oui, tu peux même aller encore plus loin hein, par rapport au mythe arthurien. L'île de Luke, c'est l'île des légendes arthuriennes, dont j'oublie tout le temps le nom parce que je confonds avec Albion, qui est le nom Avalon. Du royaume. Voilà, Avalon. Avalon, oui. Tout ça, c'est pas... ça vient pas de nulle part. Et oui. Ouais. Autant la trilogie originale, par rapport au sabre laser, je trouve, prend empreinte au monomythe et beaucoup au katana, au truc de samouraï. Autant dans la postlogie, ils sont allés full. Il y a aussi dans les chevaliers. On a d'ailleurs, c'est tout bête, hein, mais on a les chevaliers Jedi, donc là, on emprunte directement au mythe. et on a les maîtres Jedi, où là, on tombe directement dans la culture, effectivement. Asiatique, partiel, des arbres, ce type de choses. Rien que ça, c'est tout bête, hein, mais c'est sous nos yeux depuis le début. Quoi. Et la prélogie, c'est Tigre et Dragon, mais... mais dans la prélogie, oui, c'est très mal employé, mais on a des... C'est beaucoup de chorégraphie. En fait, il y a plein d'éléments, mais c'est, voilà, c'est les années 2000, effectivement. Il y a beaucoup de chorégraphie par-dessus, c'est des glow-sticks un peu partout, mais on a quand même une table ronde, enfin, excuse-moi, un conseil des Jedi, qui est rond. On a ça, ils ont tous une épée, forcément. On a des plans, justement, même dans le bureau du futur empereur, pardon, où ils sont tous avec des postures voilà, très, très chevaleresques, avec le sabre bien droit, comme ça, porté en garde. Il y a plein de choses comme ça qui réfèrent justement aussi à la chevalerie et au mythe arthurien, mais c'est noyé effectivement dans les années 2000, quoi. C'est noyé dans les chorés un peu claqués, mais il y a aussi des éléments quand même, ils sont quand même là. On a pas mal évoqué les films, on pourrait peut-être évoquer maintenant les autres œuvres telles que les jeux vidéo et même les séries et les romans. Dans justement par rapport à tout ce que vous racontez là, je trouve que dans Rebels le traitement du sabre laser est plutôt bien réussi aussi, avec un Ezra qui va apprendre de par son maître qui lui du coup n'ose pas s'avouer en tant que chevalier, en tant que Jedi, en tant que quelqu'un qui possède ce sabre laser, qui est obligé de le cacher. Et ben Ezra va apporter quelque chose, va apporter un nouveau style de combat, même hein, avec un blaster bizarre qui peut stun. Stun. Ouais. Merci. Pas de souci. mais du coup, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que dedans, il y a d'autres formes de sabre laser, et c'est surtout de la part de Ezra, mais aussi de la part des Inquisitors, qui, eux, ont également un autre type de sabre laser. Donc, c'est ça où c'est intéressant, c'est qu'en fait, Star Wars Rebels arrive à te créer une autre mythologie. Et c'est absolument incroyable. Enfin, et toujours avec les mêmes inspirations, hein, arrive à créer un autre monde. Et justement, par les armes, déjà. Et c'est absolument incroyablement fait, je trouve. Mais les Inquisiteurs, c'est carrément la fête du slip. Je veux dire, ils font l'hélicoptère avec leur sabre laser. Je là aussi faisait l'hélicoptère avec son sabre tout à l'heure. Donc on non, c'est vrai. Mais d'ailleurs, revenir un tout petit truc sur la prélogie, j'ai pas l'impression, il me semble pas que c'était dans la trilogie originale ni dans la postlogie, mais aussi dans la prélogie, il faisait carrément des blagues sur les sabres laser. Les trucs genre oh là là, Anakin, il a encore perdu son sabre. Oui, c'est vrai. Et ce genre de trucs. Puis d'ailleurs, en se faisant bien sermonner par Obi-Wan, qui lui rappelle à quel point c'est important. Et, putain, mec, ça coûte cher. Tu crois qu'on a un budget limité, là? Ton policier, ton pistolet, c'est le plus important. C'est sa responsabilité. En fait, c'est presque un fardeau, quelque part, le sabre aussi. Enfin, c'est leur badge. On a ça aussi dans l'épisode 1 où Anakin capte que Qui-Gon c'est un Jedi parce qu'il porte un sabre, et forcément c'est forcément un Jedi parce qu'il n'y a que les Jedi qui en portent, et que, enfin, c'est vraiment très lourd même de sens, même dans l'univers en fait. Ouais, je suis d'accord avec toi Matt, pour le coup la prélogie, même si au niveau des chorégraphies c'est les duels qui sont claqués, le reste ça va. Oui, autour de ça, il y a des trucs, justement, le fait que Anakin, il passe son temps à les perdre, à les casser, ça reste, quelque part, comme je disais, une extension du personnage, le fait qu'il en prenne pas soin et tout, c'est comme sa femme. pour revenir très vite à la post-clo, c'est évident aussi, mais bon, il est chevalier de Rennes. Il y a des épées avec des gardes droites, enfin des sabres laser avec des gardes droites, il y a des chevaliers de Rennes, enfin on est à fond là-dedans, c'est à fond dans le mythe arthurien encore une fois. Quoi. Oui d'accord, je me dis quel rapport avec les sabres laser. Non, et puis tu parlais de chevalier noir, Kylo c'est l'incarnation même du truc. Quoi. Et le mec il a littéralement une tenue de chevalier, il a pas d'armure, bon. Mais c'est une tenue médiévale qu'il a surtout dans l'épisode dans les épisodes 8 et c'est vrai, et j'ai 9. Plus le nom de c'est une gabardine je crois, c'est ça qui... c'est ça et... on se rapproche de ça, ouais. Non, c'est juste un en noir, mais voilà, c'est d'ailleurs on l'a pas montré son magnifique sabre laser le plus beau, où est-ce qu'il est, une image, il est là, Voilà. Ce qui est bien, c'est que c'est bien centré l'image comme ça. Il y a bien nos noms dessus. Comme ça, il y a le pseudo d'Adrien dessus. Il a fait exprès. Ouais. Attends, faut que je fasse le truc. Il a fait exprès. Voilà. Mais pour revenir à Rebels, ce que, enfin, même en façon générale, ce qui est intéressant, c'est que t'as le moment, enfin, il y a un moment donné où t'as le l'apprenti qui va s'émanciper aussi. Alors bon, ouais. Pour Ezra, ça arrive un peu tôt. Mais bon, lui, à la base, il avait pas de sabre du tout. Même son maître, il avait juste un qui est un peu bricolé. D'ailleurs, je crois qu'il est en deux parties, il me semble, celui de Kanan, qui ça lui permet d'être discret, de pas montrer à tout le monde que c'est un Jedi en. Il dévisse le bout, mais en vrai, ce qui me fait trop rire avec celui de Kanan, c'est que il dévisse le bout, mais même si tu prends la poignée toute seule, ça ressemble quand même à un sabre laser. Genre, caches quoi là, mec? C'est une lampe torche. Derrière les rideaux, et tu cries, je suis caché, et t'as les pieds qui dépassent. C'est totalement ça. D'ailleurs, on s'en fout, c'est une lampe torche, un truc comme ça. Mais ça y ressemble. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que, ouais, c'est que pour Ezra, c'est, au lieu de se baser sur ce que son maître a fait, bah, lui, il réinterprète totalement le truc, le réadapte à sa sauce, et ça colle bien au personnage, qui est comme très indépendant. Oui, c'est ça. On sent le côté un peu débrouillardise et tout, bricole. On n'est pas dans la même relation qu'on peut avoir, mais Ventress, Dooku, là, on est vraiment dans une subordination totale élève-apprenti, où... Forcément, il va avoir les mêmes types de combats, les mêmes sabres, elle en a deux, ça fait. Même si elle en a deux, effectivement. Elle en a deux, mais ça reste des sabres courbés avec, je pense, la même technique d'escrime aussi, je crois, utilisée. J'ai plus le nom en tête, mais ou alors même une utilisation plus entre guillemets toujours père-fils avec Qui-Gon et Obi-Wan. Là, on est vraiment dans une autre relation entre Kanan et Ezra où. Bah, il fait ce qu'il peut pour lui apprendre, mais ça reste quand même deux personnages qui sont très, très différents et il n'y a pas de subordonné, quoi. Il y a pas de. C'est... Alors, leur relation est différente, même simplement. À ce propos, j'aurais une question. Est-ce que vous pensez, c'est une question plus in-universe, hein. Est-ce que vous pensez, genre, que quand les younglings deviennent padawan, ils doivent remplir un formulaire avec, genre, premier vœu? Double sabre, sabre simple, sabre avec des gardes. Genre vraiment, est-ce qu'ils remplissent des trucs ou comment ça se passe? Il y a un truc avec. Il y a les épisodes. C'est Ahsoka. Il y a les épisodes dans The Clone Wars, oui, où en fait, il y a une espèce de. Faut demander à Yoda. Il y a une espèce de vaisseau avec plein de pièces de sabre laser. Et dans ce vaisseau-là, les Padawan, du coup, choisissent en fait les pièces qu'ils veulent utiliser pour fabriquer leur sabre laser, puis ensuite ils vont à la quête de leur cristal. Très chouette épisode. Ouais, mais du coup, il y avait un petit peu un feeling, genre, c'est un peu. Tu vois, ils méditent un peu pour choisir les pièces qui résonnent un peu avec eux, tu vois. Oui, et puis de mémoire, ils les assemblent avec la force aussi. Ils prennent pas la. 12 et tout ça, ils les assemblent en utilisant la force pour que les pièces s'emboîtent bien les unes entre les autres. Et ça, récupéré de Clone Wars, la série 2D, la série de Tartakovsky. On avait un petit passage. La moche, je te permets pas. Non, allez, je vais te retrouver, je vais te défoncer. non, l'excellente série de Tartakovsky qui est magnifique. Avec sa vie de Scooby-Doo. C'est absolument pas. Non, mais vraiment, regardez, c'est très bien. On a un passage, je crois que c'est sur Ilum d'ailleurs. Ça s'appelait peut-être pas comme ça déjà à ce moment-là. Oui, c'est ça. Dans la caverne avec, et c'est avec Luminara et Barry Sophie. Ou Baris. Je fais Baris, l'apprenti. Je sais jamais laquelle des deux. C'est Baris, l'apprenti. C'est Baris, l'apprenti. Ouais. Exactement, où elle assemble son sabre justement déjà sur Ilum. Et de la même façon, avec la force, comme ça, en imbriquant les pièces. Et ça, ils l'ont récupéré dans Clone Wars. Et bien, du coup, pareil, c'est une thématique qui revient. J'ai même surpris qu'il n'y ait pas un épisode où on voit Ezra construire son sabre. Ils n'avaient pas le temps pour ça, j'imagine, mais ça fait vraiment partie du truc initiatique. Ils l'ont supprimé au montage, comme la scène dans le 6, où Luke assemble son sabre sur Tatooine. Ça, d'ailleurs, c'est vrai que ça avait été cut. C'était prévu de le montrer, je crois. Et ça aussi, c'est intéressant, parce qu'on voit l'émancipation de Luke, et en récupérant aussi l'héritage d'Obi-Wan au passage. Quoi. Ouais, mais en même temps, je comprends le choix de Richard Markham de pas l'avoir montré, parce que l'arrivée de Luke dans la forteresse de Jabba est vraiment énigmatique. Tu te demandes ce qui se passe. Ça fait le travail, c'est sûr. Ouais, Même ouais. Si Mark Horn, c'est un gros con, mais je suis d'accord avec toi. Oui, mais ça, on est d'accord. Clairement, il n'y a pas de problème. Merci, Aridane. Merci, Aridane, pour ton truc. Je rappelle que je n'ai pas les alertes sur mon ordi parce que après ça part en boucle et ça n'a toujours pas été réglé donc on a des soucis quand j'allume avec Obi-Wan. OBS j'ai Obi-Wan qui fait hello there en boucle. Ah oui ça c'est vrai je l'ai pas encore corrigé. Je reprends le chat, mais Glantine me demande si la symbolique du sabre, notamment de la couleur, était reprise ailleurs que dans KOTOR. Je crois pas que ce soit canon ça. Alors le jaune, fait, le jaune. Le jaune, on a Plo Koon qui a un sabre jaune, si je ne dis pas de bêtises. C'est vrai. Ouais, mais du coup, tu sais, la symbolique, c'était de dire que vert, c'est pour les Jedi consulaires, du coup, oui. Ceux qui sont plus sur la méditation et la force, que bleu, c'était pour les gardiens qui sont plus la bagarre, et que jaune, c'est pour les sentinelles qui sont un peu plus genre... On va dire que c'est repris pour Ahsoka. Les autres, bon... Je sens que dans Rebels, les gardes du temple ont des sabres jaunes. Ils sont tous jaunes, ouais. Tous les gardes du temple ont un sabre jaune. Il me semble que la couleur jaune reste associée à un certain truc, même si pour le coup, Plo Koon, ils sont pas la race. Non, mais Plo Koon, il en a un bleu, je crois, matin. Ça a échangé, mais. Alors, moi, alors attention, parce que je crois que c'était quand j'avais joué à Jedi Power Battle, et puis là, Windu, il avait un sabre bleu encore dans le jeu. Donc... Oui, mais parce que son sabre, il n'avait pas encore choisi la couleur, Samuel Jackson. Voilà, il est bleu. Le jeu est sorti. Et effectivement, il est bleu, il a changé de couleur. Là, dans la Haute République. Alors voilà, si vous voulez savoir, dans la Haute République, c'est la fête du cible. Ils ont tout. Ils ont. C'est pas une question de rang. C'est pas une question de truc, c'est même pas une question de personnalité, c'est vraiment... À l'époque, les keepers, ça traînait partout, il y avait qu'à se baisser pour en ramasser. Il y a des jaunes. Pareil, dans Fallen Order, tu peux choisir n'importe quelle couleur. Ah ça, après, c'est un jeu, c'est compréhensible, hein, je veux dire. C'était pas obligé. On peut parler de Star Wars The Republic. Une chance, c'est une symbolique là-dedans. Ça, c'est tout un truc. Mais c'est vrai que dans The Republic, t'as vraiment toutes les couleurs. T'as genre le truc où le centre il est bleu et le tour il est d'une autre couleur. T'as le centre noir et le tour d'une autre couleur. T'as toutes les combinaisons possibles. C'est n'importe quoi. C'est comme le Darksaber en fait. Le Darksaber qui lui, du coup, c'est le sabre laser évidemment des Mandaloriens. Enfin. De Mandalore. C'est le sabre laser qui était celui du premier Mandalorien à intégrer l'ordre Jedi, qui s'appelle Tarvisla. Et voilà, c'était son sabre à lui. Tarvisla, non ? Oui, Tarvisla. Je croyais que t'avais dit Tarvisla. Ouais, j'ai compris ça. J'ai vraiment entendu Tarvisla, je me suis dit, non, c'est pardon, et Godzilla. Ouais, t'es merveilleux. Du coup c'est son sabre en fait au fur et à mesure des siècles et tout qui sont passés c'est devenu un symbole de transmission et de leadership alors on parlait de Excalibur mais voilà niveau Excalibur il se pose là et le truc c'est que du coup il y a toute une période où Mandalore a eu un gouvernement un peu plus classique. Et pendant cette période-là, le Darksaber, c'est quand même resté un symbole pour ceux qui croyaient encore dans l'ancienne version, quoi. Donc, c'était le symbole du Mandalore secret. Truc de royaliste, quoi. Ouais, c'est l'accent mandalorienne, quoi. C'est les mecs, ils s'appellent De Jésus, Vizsla. Près de Jésus, Vizsla. Moi, c'est vrai que du coup il a une tronche assez particulière le Darksaber. Ouais. Alors par contre voilà maintenant il est en live action et là je vois la réplique et et bien quand même. Alors oui je peux toujours parler de sabre laser, je crois que c'est pas un proto sabre mais c'est un sabre laser à l'ancienne on va dire, à l'époque il se faisait comme ça et ouais, je crois que ça remonte à genre 10 000 ans, un truc comme ça. Une lame amovible, hein, ça reste une lame rétractable, si on peut dire, donc ça reste un sabre laser, c'est juste que c'est un truc de gothique, c'est tout. Ouais. Là, la poignée, là. Magnifique. Ah oui, si je me permets. Non, je crois que tu vas dire de la merde. Non, ouais, vous ne pouvez pas. Non, mais non, je suis pas. Je trouve la lame belle, mais j'aime pas le manche. Voilà. Bah moi aussi, avant, c'est ce que je disais. Moi, avant, je le trouvais très moche. Et puis finalement, là... J'aime bien le manche, mais ça doit pas être très agréable. Je trouve qu'il rend mieux qu'en, qu'en animation, ce qui est très drôle. Vu que... En animation, il était très carré. En animation, toutes les armes... En fait, toutes les armes des designs mandaloriens, les blasters et tout, tout était très géométrique et très carré. Moi, j'aime bien. Est-ce qu'il peut être considéré comme un simple laser? Bah, toujours, parce que bah, d'une part, techniquement, c'en est un, technologiquement, c'en est un, mais même bah, pour la symbolique, vu ce que ça véhicule tout le long de Clone Wars, de Rebels et de maintenant Mandalorian, ça c'est, oui, c'est au moins équivalent. C'est puis pas. La forme de la lame et de la poignée aussi, avec la petite garde, ça rappelle aussi la forme des armes traditionnelles mandaloriennes, en fait. Mm. Du coup, ça se tient. On parlait des gardes tout à l'heure. Ceux des gardes, ils sont là. Qualité absolument. Ils sont vraiment stylés. Hein. Je suis désolé, mais. Les gardes, ils ont un côté vraiment très. Ouais, c'est très cool. Mais du coup, alors pour revenir à la question des couleurs, à part le jaune qui semble vraiment associé aux gardes du temple, le rouge, forcément, au bad guy, le reste, c'est la fête du slip, globalement. Quoi. Bah, ça dépend des époques. Encore une fois. Dans la République telle qu'on la connaît dans la prélogie, il semblerait qu'il y ait trois couleurs, dont une qui soit très très rare. Et c'est non, mais bah, attends, mais Ahsoka, elle a pas un sabre jaune? Non, Ahsoka, à la fin, elle est de sabre blanc, mais je crois que. Oui, mais dans Ahsoka, elle fait. Non. Non. Je sais pas pourquoi. Elle fait bleu, vert. Enfin, non, vert, bleu. Attends, je sais plus. Dans quel sens elle fait. Mais et puis après blanc. Dans tous les D'accord. cas, à la fin. Et voilà, ouais. Comme le dit Saito, voilà, il y a tout un truc qui est super intéressant, qui aurait pu arriver dans les films aussi, mais qui n'y est pas encore. C'est ce truc de purification en fait des cristaux rouges et justement la corruption des sabres laser. Comment les sabres laser deviennent rouges en fait, il faut assassiner un Jedi. C'est tout un rituel Sith qui est dans les comics, surtout les comics Vador écrits par Charles Soule. Je trouve ça un peu cheesy. Vas-y. Voilà, il faut que tu tues un Jedi, que tu lui voles son cristal, et ensuite tu vas dans un endroit empli de côté obscur, et tu y mets toutes tes émotions négatives dedans, et ça corrompt le cristal, et Ahsoka, elle en a un blanc parce qu'elle a récupéré des cristaux d'inquisiteurs qu'elle a purifiés, et du coup, au lieu de leur redonner leur couleur d'origine, ça les a fait blancs. Et moi, je trouve ça sympa. Franchement, la corruption, c'est comme ça que j'imaginais avant que l'épisode 3 arrive et que le sabre laser d'Anakin ne devienne pas rouge. En même temps, c'est complètement con. Pourquoi il serait devenu rouge alors qu'on le voit après? Mais j'étais petit encore. J'étais ado en plus. J'avais 12 ans. Mais moi, je pensais déjà que c'était comme ça que ça se passait. Genre, c'est des sabres laser de gentils qui ont changé de couleur. Et puis voilà. Ouais. Bah, j'aime bien pour le coup pareil, la symbolique du blanc pour Ahsoka qui finalement est plus Jedi mais encore un peu mais pas trop. Ça marche bien je trouve, de l'associer à la couleur blanche en l'occurrence, c'est cool. Maintenant le coup effectivement des cristaux qui il faut faire du mal pour les rendre rouges et tout, tiens tu vas pleurer, regarde ton maître il est mort, maintenant tu vas devenir tout rouge, t'es trop dark. Un peu le mal avec ça, mais bon, admettons. Je sais pas, Charrette, elle se déploie aussi comme un sabre laser normal, l'âme du Dark Saber. Hein. Ouais, c'est pas un truc. Mais c'est peut-être lié au son aussi que ça donne normaux. Cette impression-là. Mais non, c'est un laser aussi. Un laser noir, ça n'a aucun sens. La lame a l'air plus tangible, mais ça reste une lame de lumière. Quoi. Une épée lumière, j'aime bien dire ça. C'est quoi? C'est de l'antimatière, c'est pour ça que c'est tout noir? Un sabre trou noir. C'est de la gothomatière, ça. Non, c'est parce que c'est dark. Oh oui, pardon. C'est trop dark. C'est parce que les Mandaloriens, c'est edgy. Ils l'ont forgé dans des disques d'évanescence. Le créateur du Dark Saber, dont le nom m'échappe, a créé Il s'est dit, vas-y, je vais faire un sabre laser, il va être trop stylé. Je vais l'appeler le Blue Saber parce qu'il sera bleu. Il l'a fait, ça a raté, c'est devenu noir, tu sais. Et du coup. Excuse-moi, je t'en prie. Bon, bah, il sera dark, alors Dark Saber, tu vois. Mais genre, le nom est venu après, le nom est venu avant, on sait pas, mais c'est stylé. Mais il me semble que le nom Dark Saber est venu déjà du, il venait déjà du Legend, il me semble. C'est quelque chose de, qui a déjà été utilisé avant les Mando, il me semble, non? Je sais pas exactement de quand ça date. Terme passé, mais je crois que c'était en rapport avec, avec autre chose. C'était question d'une station Dark Saber, quelque chose comme ça. C'était dans un comics ou un roman, je ne sais plus exactement. Ouais, mais du coup, c'est juste peut-être le nom qui est utilisé d'autre part, mais sinon. Ah, bah, c'est Light Saber, Dark Saber, forcément, ça colle, ça fait très Star Wars hein, en l'occurrence, mais. Je pense qu'il fallait. Voilà, c'est juste que le nom sonnait bien, et puis ils ont fait quelque chose après derrière avec. Mais. Mais non, mais c'est. Ça marche bien. Ça marche bien, moi, j'aime bien J'aime bien, en fait, l'idée de réutiliser la symbolique du sabre laser, même si elle est assez différente, mais dans une autre culture, dans le même univers, pour le coup. Pour le coup, en plus, ça marche super bien avec l'arc de Sabine, où justement, elle, quand elle récupère le Dark Saber, c'est totalement accepter la mission de héros qui va avec. Mmh. Et puis, ça colle parfaitement à la culture Mando, en l'occurrence. Ouais. Et puis, même pour la construction de son personnage, ça marche aussi très bien. Et la passation. Là, ce qui est intéressant, c'est que justement, il y a cette même notion d'héritage, mais c'est vraiment la passation de la culture Mando, en l'occurrence, plus que l'héritage personnel d'un maître à son apprenti, quoi, ou en l'occurrence d'Anakin, à Luke, etc. Quoi. C'est rigolo que tu aies dit que c'était la mission des héros, Funeli, parce que techniquement, dans cet arc-là, Sabine, elle a une mission de héros, mais AUT. Oh, oh oui! Eh oui, oh. Mission héraldique. Gros cerveau. Je me touche la tête avec l'index. C'est ça. Il faut y penser. N'oubliez pas d'y penser, pardon. Vous aviez d'autres choses à dire, du coup ? Je regarde un petit peu le chat. Les cristaux sont liés et résonnent avec les Jedi, nous dit Saito. C'est là qu'apparaît leur couleur. Ça a du sens que ça change, du coup, si tu influences le cristal avec la force, effectivement. Oui, je vois l'idée. Ben, ouais. Techniquement... Il y a un épisode de Rebels où il trouve un énorme cristal Kyber et il est déjà vert. Ah, le cristal est déjà vert. C'est trop spécial ce truc-là. Oui, d'ailleurs, comment ça marche ? Parce qu'on sait que la station spatiale, l'étoile noire, marche avec des Kyber. Et du coup, là, forcément, c'est du vert. C'est flou. C'est flou. C'est giga flou. Et... Non, mais tout ce truc-là, c'est hyper flou. Techniquement, le couleur, c'est canoniquement le cristal prend la couleur une fois que le Jedi l'a attrapé, l'a récupéré. C'est oui, là mais là, c'est pas les Jedi, c'est l'Empire. Pour les zones noires, c'est pas les Jedi, c'est l'Empire. Eh bien, le Kyber, il a senti la bonne t'as partie dans Anakin. T'as pas de vraie explication de comment ça fonctionne. Alors, en fait, tu fais exprès, espèce de vieux. Tu prends trop la tête avec les couleurs des lasers en mais général. Parce tous que, les enfants, alors, je pense. Les TIE Fighters, ils tirent vert, et les X-Wing, ils tirent rouge, donc c'est-à-dire que le vert, il est associé aux méchants, parce que l'étoile noire, elle tire vert aussi. Mais du coup, pourquoi les blasters des Stormtroopers, ils tirent rouge, et pourquoi la lame de Vador, elle est rouge, et celle de Luke, elle est verte, je comprenais rien. Non, au final, c'est... En fait, ça n'a aucun sens. Voilà, c'est tout. Voilà, en fait. c'est aussi simple que ça. Est-ce que c'est Star Wars qui instaure le sabre laser ? Est-ce que ça existait déjà ? Je pense que ça devait déjà exister, mais c'est... Tu sais, ça, Star Wars, ça a rien inventé pratiquement. Je dirais même du. Mais ça a été tellement important que ça, c'est là que t'arrives dans les trucs genre, oui, c'est pas lui qui l'a inventé, mais comme c'est ça qui l'a popularisé, est-ce que c'est, enfin voilà quoi, ça peut être considéré comme la naissance du truc. Ça l'a iconisé en plus quelque chose, enfin, ouais, quelque chose de fou parce que maintenant tout le monde sait qu'un sabre laser, même si voilà, t'as jamais vu, tu sais ce que c'est quoi. C'est... À tel point que ça devient vraiment, enfin c'est assez difficile de faire des space opéras avec des armes sans penser directement au sabre laser, même si ça n'a rien à voir, même si c'est juste genre une lame plasma ou un truc comme ça avec quand même un truc solide au milieu et tout. C'est ça prend vraiment toute la place, même aujourd'hui, genre 40 ans après, eh ben, avoir des équivalents qui tiennent la route et où tu ne dis pas ah oui, c'est un sabre laser, ben. D'ailleurs, la plupart des univers SF évitent le sujet. Quoi. On reste sur des armes, des flingues, basiquement. Quoi. Ce qui est nul à chier, hein. On va pas se mentir. C'est vachement plus stylé, les épées. Flingues. Ouais. Non, mais oui, mais les épées, c'est quand même vachement stylé. Bah, je crois que dans Flash Gordon, il y avait une épée, mais c'était pas visuellement pas la même chose. Hein. Pour le coup, on peut remercier McQuarrie, hein, parce que c'est lui qui, au niveau du design, a fait le truc. Mais il me semble que Flash Gordon avait une sorte d'épée un peu magique, un peu avec une lame verte, je crois, quelque chose. Hein. Il me semble aussi. Ouais. Quelque chose dans l'esprit. Quoi. Mais c'est vrai que ouais, pour le coup, tu l'as dit, hein, Coach Coff, on en reparlera après, mais enfin. Mais on peut en parler maintenant. Ça s'appelle une transition, Jackie. On n'a pas parlé de les aspects de la symbolique, la zigounette et tout ça. Bah voilà, la zigounette aussi, voilà. Alors juste avant de parler de zigounette, Glantine nous précise le sabre noir, c'était une mémoire de mémoire. Il n'est pas sûr, une station spatiale slash super arme créée par les Hutt après qu'ils aient capturé un ancien ingé qui bossait sur l'étoile noire. Voilà. Qui s'appelait Galen Erso et qui était joué par Mads Mikkelsen. Il voulait faire la même chose que l'Empire, mais Hutt style, quoi. Mais bon. Ça serait dans le Legend, ça, pour le coup. Mais oui. Il me semble, mais ouais. Et Wellins nous dit, dans Dune, ils ont des épées, tout ce qui est plus normal. Bah, l'épée, comme dit, voilà, ça vient des chevaliers, des mythes arthuriens, des poèmes médiévaux, ensuite le monomythe. On a des flingues et pas des épées, c'est complètement nul à chier, notre monde. Tu sais, il n'y a rien qui t'empêche d'avoir une épée. Hein. Non, mais oui, mais il y a des flingues en face. J'ai pas envie de voir avec des épées, moi. Franchement, il arrive, Luke Skywalker, jusqu'à entraîne-toi, c'est tout. Tu renvoies les tirs avec ta petite épée de mes deux, là. Oh, tu voulais parler de Zigounette, Adrien. Oui, bah oui, bah... Forcément, toujours OP pour ça, mais pour le coup, si on a évoqué un peu les aspects symboliques, Star Wars possède un rapport relativement proche avec... le sexe, que ce soit un terme, en gros, les sabres vont symboliser également pour beaucoup de choses la relation sexuelle. Et c'est le plus en vrai, c'est important, mais forcément, là où c'est le plus fait, c'est dans Star Wars 8. Et un peu dans le 7 aussi, mais surtout voilà, c'est quand même un symbole phallique, le sabre. Mais le sabre, l'épée de base, qu'elle soit laser ou non, dans les œuvres, c'est des symboles phalliques. Et donc c'est intéressant de voir à quel point Star Wars, encore une fois, même si voilà, c'est Disney et qu'avant que ce soit Disney, c'était George Lucas, et voilà, c'est un peu puritain. Quand même, il y a des références, il y a des choses vis-à-vis de la sexualité qui sont intéressantes à étudier. Je sais pas si vous avez des trucs à dire là-dessus, les copains. Alors, j'aimerais bien que tu développes, en l'occurrence, parce que ouais, je sais pas si j'ai envie que tu développes avec le sabre, je suis pas sûr. Mais du coup, par exemple, lorsque Luke perd contre son père et qu'il son sabre lui échappe, voilà, je vais réussir à le dire, c'est une castration. Tu vois ça comment? C'est un truc un peu communément admis, ça. Oui, pour le coup, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a tout un jeu de virilité. Alors ça, c'est encore un autre truc que je voulais justement à côté. C'est qu'en fait, justement, le sabre symbolise jusqu'à l'épisode 7. Hein, quoi qu'en vrai, dans Clone Wars, ça commençait à s'éclipser un peu. Mais la virilité, parce que des porteurs de sabre, on en voit dans les 4 premiers films, eh ben, c'est que des mecs qui en portent, en fait. Bah, t'as vu la réaction quand c'était pas un mec qui le portait. voilà. Alors, ça dépend, quand c'est une Twi'lek à moitié à poil au fin fond d'une forêt de champignons, là ça passe. Oui, mais j'ai dit les 4 premiers films. Elle n'est pas là encore, elle a ses courants dans le. Oui, mais comme tu parlais de. Comme je parlais de la suite. C'est pas les personnages. Oui, voilà, bien sûr. Mais... Et, Et justement, avec l'épisode 2, à la fin de l'épisode 2, on voit arriver des femmes Jedi, des femmes qui, naturellement, sont éclipsées, hein, on les voit d'un coin de l'écran, mais elles ont des sabres, elles peuvent se battre, mais il faut attendre quand même 2015 avec Star Wars The Force Awakens pour enfin avoir une femme Il y avait Ahsoka avant. Il y avait Ahsoka, je parlais dans le film, effectivement, il y avait Ahsoka avant qui, pour le coup, je trouve, a beaucoup fait de bien à Star Wars par rapport à ça. Et donc, dans, voilà, il a fallu attendre 2015 pour qu'enfin, sur grand écran, on puisse voir une femme en live action porter cet objet phallique si longtemps masculin. Merci, Adrien. Mais je t'en prie, il y a toujours avec plaisir. Mais encore une fois, c'est un objet qui a été longtemps masculin. Excuse-moi, vas-y. C'est comme dans... Comment ça s'appelle hein, la parodie, là. Alors, moi, du coup, je me demande... Le Mel Brooks, Spaceballs... Quand Anakin, il perd son sabre, il perd sa bite. Quand Han Solo il découpe le ventre du Tauntaun dans le... C'est non seulement zoophile, mais aussi nécrophile. C'est ça que ça veut dire. Et tu sais... C'est-à-dire qu'il pénètre l'animal avec la bite de son copain? Non, mais en vrai... C'est prank. Je vais vous dire, je te réponds après. Prank, je mets le zizi de mon pote dans un animal mort. Ça tombe mal. On s'en fout si ça pue. Mais tu regardes. En fait, Matt, tu disais ça pour rigoler, mais t'es pas loin de la vérité d'un point de vue psychanalytique. C'est juste que comme je le formule, forcément, ça fait. Oui, bien sûr, ouais, c'est drôle, mais tu regardes Han Solo, il porte littéralement secours à son pote impuissant. Impuissant, ça veut dire beaucoup de choses. Ah, tu vois. Bien. Non, mais c'est vrai, mais c'est pas grave de dire ça, Grushkov. Mais c'est pareil dans l'épisode 5, toujours l'épisode 5, à la fin du film, Vador qui lui tranche la main, c'est vrai, c'est comme tu dis, tu l'as très bien dit, une castration. Ça me rappelle comme mon beau-père, il est venu pendant que j'étais en train de. Ok, on va s'arrêter là. Merci d'avoir suivi live, salut. D'ailleurs, Saito nous dit, c'est pour ça qu'on touche pas les sabres des autres, c'est vrai qu'ils se prêtent pas les sabres entre eux, les Jedi. T'as vu l'épisode 2? Alors attendez, je veux qu'on parle de quelque chose. Grievous. Il a quelque chose à compenser, lui. De plus savoir quoi en faire. C'est un collectionneur, c'est chelou. T'as vu comment il est sous son armure? C'est un tueur en série. Oui, mais ce que j'aime bien, c'est que c'est un exhibitionniste en plus. C'est genre. De plein de mecs, il les collectionne, il les met dans des bocaux chez lui, et puis quand il croise dans la rue, il fait, regarde tous les gags que j'ai sous mon manteau. Oui, il a quelque chose à compenser. C'est des. Non seulement c'est des guns Michel, mais en plus c'est des vrais tubs empaillés en fait. C'est ça que ça veut dire. Merci, Adrien. Dans l'épisode 3, Obi-Wan et Luke se font prêter des sabres, effectivement, c'est vrai. Ouais, mais du coup, je finis juste là, sur l'épisode 5. Excuse-moi. Non, t'inquiète, c'était drôle, donc je te l'accorde. Ouais. Mais pour le coup, l'épisode 5, tu disais justement, Vador, il castre Luke. Eh ben, en fait, oui. Oui, Luke, il comprend la frustration dans cet épisode. Enfin, il a compris déjà au début, il a voulu faire le show, et bam, alors sans aller dans tout ce qui est complexe d'Oedipe et tout ça, Luke comprend la frustration venant du père, et c'est ça où c'est intéressant. Peut-être que, voilà, Tristenza pourrait peut-être même parler de ça avec moi dans le chat si elle peut répondre. Mais voilà, il y a ce côté frustration de la part du père qui est quand même un symbole important et intéressant. Je sais pas ce que t'en penses, Tristenza, dans le chat, et vous, ce que vous en pensez, les copains, mais d'un point de vue psychanalytique, ça a beaucoup de sens. Et c'est pas étonnant. Pas la psychanalyse. Moi non plus. Mais c'est pas étonnant quand tu sais que Jung, un psychanalyste, a théorisé pas mal les trucs par rapport au mythe et par rapport au personnage. Tu vois, enfin, tout ça, c'est un peu lié. Hein. George Lucas se disait lui-même que Star Wars, c'était pas vraiment de la science-fiction, c'était une œuvre de fantasy mélangée à de la psychologie et du mythe. Mais du coup, Dark Maul, il a une grosse bite ou deux bites? Ah, elle est molle en tout cas. On sait pas, mais elle est molle. Par contre, mais ça n'empêche, c'est intéressant ce que tu dis aussi, parce que la plupart des femmes qui ont des sabres sont, à l'exception même de Sakura, je crois. Elles sont rarement... Enfin, elles sont pas plus féminisées que ça, je crois. Sexualisées que ça, même, surtout, je veux dire. Bon, j'ai dit une connerie parce qu'Asoka... Non, attends, je crois que j'ai cassé Grushkov, en fait. On a perdu tout le monde. Non, il a dû s'absenter. Et il est parti vomir. Très bien, non, mais... non, j'ai dit une bêtise parce qu'Asoka, c'est quand même ça. Pas trop, quoi. Mais je pensais voilà à 23 qui a des sabres et qui est. Bah, oui. Tu veux dire que elles sont ou elles sont pas? J'avais pas bien entendu ta phrase. Non, je veux dire qu'elles sont pas. Enfin. Ben, un peu. Après, ils sont un peu améliorés, mais genre. On appuie sur leur côté masculin, j'ai envie de dire. Bah, pas avec les vêtements. Pas avec genre les vêtements. Genre, Ahsoka, c'était une ado et. Elle avait un cache tété et puis c'est tout. Ouais, franchement, il n'y en a pas beaucoup qui ont beaucoup de vêtements sur le dos, franchement. Tu sais, les Jedi, ils sont tous dans leur bure, là. La bibliothécaire qui est en bure, ouais. Et elle, c'est normal, elle a été consommée déjà. 80 ans, là. je pense à Luminara et Ophi, ou Bilaba aussi. Mais c'est des personnages vraiment très, très secondaires, en l'occurrence. C'est vrai que pour Ahsoka ou... C'est rigolo, quoi, ouais. Que ouais, les mecs qui s'habillent Ahsoka, tous pareils, peu importe leur espèce. Aussi. Hein ? Quoi ? Ah, t'es revenu, toi. Je dis, c'est quand même marrant, voilà, que tous les mecs, peu importe leur espèce, ils ont tous la même tenue, mais... Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est... Mais c'est pour ça que, voilà, le sabre laser, ça a longtemps été un outil pour les hommes. Non, mais pour les hommes, mais en fait... On n'a pas dit un zizi, on a dit un outil. J'ai rien dit, un outil. mais donc voilà, c'est ça où c'est intéressant et c'est là où en fait l'épisode 7 et la trilogie, la post-logie, pardon, c'est aussi pour ça que c'est ma trilogie préférée, malgré le 9. Et ben c'est qu'il y a ce côté où en fait on vient amener des nouvelles choses et d'un point de vue symbolique, retravailler, comme tu l'as dit Grushka tout à l'heure, le mythe, quoi. Depuis qu'on parle de saison, on a parlé 4 heures. Ouais, je te laisse retourner du coup sur le sujet suivant, hein, Adrien. Oui. Donc, je vais vous lancer parce que j'ai pas envie de trop parler non plus parce que désolé, je parle de trop. Mais non. Mais oui. Donc en fait, c'est pas la quantité de qui est jeune, là, Adrien. Mais... Du coup, là, est-ce qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait dire concernant la trilogie, la post-logie, la zigounette, les jeux vidéo et tout ? Oui, bien sûr, vous saurez tout, tout, tout. Moi, ce que je voulais aborder, c'est les sabres dans les jeux vidéo, dans certaines œuvres dérivées. Aussi. Je trouve qu'il y a, enfin, quelque part, je trouve qu'il y a une perte de sens. Au final, ça devient plus que des outils. Et puis il y a aussi l'aspect cosmétique où ça devient un peu un vecteur pour faire juste de l'esthétique et de la personnalisation de son personnage. Voilà, il y a de ça dans les jeux. Alors dans l'épisode 1, il y avait ce côté esthétique où justement on avait des duels qui se voulaient un petit peu jolis. Enfin, à l'époque c'était joli, c'était cool, hein, c'était kéké, mais il y a ce côté-là déjà. Et puis après dans les jeux, voilà, effectivement, ça devient un outil de customisation du personnage. Et puis, c'est un peu la facilité, c'est-à-dire qu'on va foutre des sabres de partout, ou en tout cas des personnages qui ont des sabres de partout, du coup forcément des Jedi, et ça perd forcément en véhicule symbolique, quoi. Puis après, t'as aussi l'aspect du game design qui fait que, par exemple, normalement dans les films, tu vois, quand t'as quelqu'un qui a un sabre laser et que t'as quelqu'un qui a un blaster, c'est plié en 3 secondes. Alors que dans un jeu vidéo, pour l'aspect gameplay, si ça se trouve, tu vas te retrouver avec un truc qui va te tirer dessus avec un blaster, mais ce sera un sac à PV, alors faut lui taper dessus à répétition, alors que en vrai, ça n'aura aucune logique, parce que le sabre laser, ça le coupe en deux, quoi. Oui, il y a ça aussi. Y a le... Du coup, ça fait peut-être un peu perdre de son importance au sabre laser, quoi. Ça le rend juste comme une arme comme une autre, quoi. C'est ça, parce qu'il y a aussi le côté, les Jedi, ils sortent pas leur sabre tout bout de champ. J'espère, enfin, même, parce qu'il y a Adrien. Ça, mais dans la Haute République, c'est même super cool parce que pour pouvoir utiliser les piou-piou de leur vaisseau, ils doivent mettre leur sabre laser dans un compartiment spécial parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Oh, le vaisseau pourri, quoi, il n'y a même pas, l'option intégrée. Mais non, c'est justement, c'est un truc de Jedi. De base, c'est pas fait pour faire les piou, quoi. Mmh. Ouais. Mmh. Mais justement, en fait, c'est comme c'est une arme très symbolique, qui, tu vas pas t'en servir pour couper ton pain, quoi. Je dis ça comme ça, mais globalement, c'est une arme que tu sors vraiment dans les cas soit extrêmes, soit pour défendre quelqu'un, soit pour justement combattre l'injustice parce que t'es un chevalier du bien, ou pour causer la destruction parce que t'es un chevalier du mal. Enfin, c'est une arme lourde de sens, et au final, dans les jeux, tu te retrouves à la sortir constamment, à te battre constamment avec, et ça perd forcément, comme tu disais, finaliste, ça devient une arme comme une autre. Et après, quand tu tombes dans les dérivés, parce que forcément, les mecs, ils se sont dit, si on fait des sabres laser, pourquoi on ferait pas tout ce qui est tranchant laser? Après, les dérivés, ils utilisent quand même leur sabre laser beaucoup comme arme torche aussi. Oui, en fait, c'est pratique. C'est pratique. Mais disons que tu te bats pas avec négligemment, quoi. Ouais. Et je trouvais ça juste dommage que surtout dans Legend et puis dans les jeux vidéo où c'est utilisé un peu à tort et à travers. Je pense que j'aimerais plus les sabres et peut-être les Jedi par extension si c'était beaucoup plus mesuré dans l'usage, on va dire, si c'était plus ça l'utilisait moins, en fait. De façon plus modérée, ça serait plus fort, quoi, tout bêtement. Je me rappelle que dans les jeux KOTOR, c'était vraiment un aspect de gameplay très important parce que, genre, ton sabre laser, t'avais, trois ou quatre points d'attache dessus. Genre, tu pouvais changer l'émetteur, tu pouvais changer la cellule d'énergie, tu pouvais changer le cristal et tu pouvais changer la poignée. Et selon ce que tu mettais, ça te changeait les statistiques de ton sabre, tu vois. Ouais, ça, là, c'était vraiment un... intéressant, oui. En vrai, c'est intéressant sur le côté, c'est ça, le genre. Sur le côté personnaliser ton sabre laser pour l'adapter à ce que tu veux, l'autre problème, c'est que surtout pour les jeux en l'occurrence, là je veux dire, c'est qu'on est sur des armes quasiment illimitées. On a rarement vu un Jedi ou jamais vu un Jedi changer les piles de son sabre. Dans les jeux vidéo, ça devient l'arme de base, du coup, parce qu'elle n'a pas de munitions, elle peut marcher constamment, donc ça devient un petit peu l'arme de base je pense au Jedi Knight et compagnie, je crois que c'est le cas. Enfin, même si on le débloque beaucoup plus tard, mais au final, c'est déjà l'arme par défaut parce qu'on sait que celle-là va jamais manquer de munitions. Et donc, ça la rend encore plus commune, au final. Et je trouve ça juste dommage, en fait. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'aimais pas trop ces jeux-là. Soit tu me fais un jeu avec un sabre laser, soit tu me fais un jeu avec les piou-piou. Les deux, ça, pour moi, ça match jamais très bien. Oh, c'est. Enfin, le deux. Mais ça, c'est juste moi. Mais voilà, ça devenait la fin, c'était la foire au sabre, parce que forcément, le sabre, il devient trop, trop commun, quoi. C'est plus facile de garder son sabre en permanence avec soi, parce qu'il va pas perdre de munitions, et puis repousser constamment les blasters, et puis taper avec, quoi. Donc, c'est un peu dommage, je trouve que ça perd de sa force évocatrice, quoi. Voilà, c'était juste pour parler de ça, rapidement. Alors que dans Fallen Order, tu peux changer toute la tronche du sabre laser et la lame, et ça ne changera jamais rien. Ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, tant qu'on est dans les sabres laser. Tu ne peux pas l'utiliser de façon limitée. C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien un jour où, justement, le fait de sortir le sabre te coûte quelque chose, en fait. Du point de vue du gameplay, ça te coûte d'utiliser ton sabre. Ouais, je suis d'accord, ça serait cool. Mais du coup, je pense qu'on a fait effectivement le tour de ce qu'on voulait dire. Oui. Je crois qu'on peut arriver à au fameux. Ça tombe bien parce qu'on parlait de customisation de sabre laser. Du coup, on peut passer à la customisation de sabre laser IRL parce que je pense qu'on est pas mal quand on était gamin à avoir essayé de fabriquer des sabres laser nous-mêmes ou à avoir des jouets de sabre laser. J'en ai fait deux. Non, un. J'en ai fait un. J'avais un vieux truc avec un tube de cuivre et je sais plus quoi d'autre que j'avais collé dessus. Ah, moi, c'était de l'inox avec plein de conneries collées dessus aussi. Ah, puis tu peux même en faire à Galaxy's Edge. J'ai même pas obligé. J'ai même oublié d'en parler de ça, effectivement. Mais alors, est-ce que vous voulez parler de quoi d'abord, du sondage d'Adrien, ou on aborde tout de suite là? Ah, mais je croyais que vous vouliez parler de ces trucs-là, que c'était pour ça que vous aviez pris les images de fin avec ça, Apprêter à suivre le conducteur, en fait, simplement. Après, le truc, justement, avec le fait d'avoir de pouvoir fabriquer, maintenant, tu as même des entreprises qui sont spécialisées dans la fabrication de sabres laser. Pas du tout en laser, c'est nul à chier. Mais parce qu'il y a aussi autre chose qui s'est beaucoup développée, et Et enfin, voilà, qui continue d'ailleurs de se développer, c'est justement la pratique du sabre laser comme pratique sportive en fait. Là, ça c'est lié étroitement avec les sabres fan-made. Enfin, ouais, en fait, voilà, c'est ça ce qui encourage le fait d'avoir des sabres fan-made. T'as genre le fait de les collectionner parce que parfois c'est de beaux objets comme ceux de Stratagem Sabers là qui sont genre super beaux. Je vois. Et t'as aussi le cosplay, parce qu'il y a aussi pas mal de gens qui, du coup, font des personnages, soit qui font des cosplays juste de Star Wars de base, et donc qui doivent avoir des répliques des sabres laser des personnages, ou bien qui inventent leurs personnages et qui doivent aussi, au passage, inventer leurs sabres laser à eux. Mm-hmm. Et ouais, comme tu dis, il y a la pratique sportive aussi, qui est du coup soit plus orientée chorégraphie, soit plus orientée escrime. Mais à partir du moment où on s'est dit, tiens, on peut fabriquer des sabres nous-mêmes, pourquoi on se mettrait pas sur la gueule avec, c'est venu naturellement, je pense. C'est juste que, effectivement, c'est un peu plus codifié avec des ligues, je crois, enfin des clubs ouais, carrément. Des clubs, et voir, c'est les clubs d'escrime qui proposent une section sabre laser quand il y a assez de monde. Ouais, mais il y en a des trucs juste vraiment que sabre laser. Oui, des clubs qui font que du sabre, oui, ça, effectivement. Je crois qu'il y en a en France, il y en a également à Paris notamment. Ouais. Bah, ça, c'est toujours à Paris, hein, évidemment. Oui, il y en a plein, il y en a partout. Hein. Non, il n'y en a pas à Thionville. Ah bah oui. Il y en a pas à Strasbourg. Oui, mais t'en as à Londres. Si, il y en a à Strasbourg du sabre laser. Ah bon. Mais oui, il y en a à Strasbourg et il y en a même à... Putain, c'est quoi déjà cette ville à la con ? Strasbourg. Non, dans le Jura, là. Besançon. Je te rappelle que le sabre, il y a plusieurs clubs en plus, je crois. Il y en a un, je crois, le plus connu, c'est les Cigognes, un truc comme ça. Et je voulais t'offrir une inscription à ce club pour un de tes anniversaires, mais tu avais refusé. Je croyais qu'il n'y avait pas à Strasbourg. Si, c'est pas le truc officiel comme t'avais vu, toi, où ils ont toutes les techniques d'apprentissage de Jedi. On n'a pas parlé de ça, des formes de sabre laser. Mais en fait, il y a un club... C'est de la merde. Il y a bien un club d'escrime à Strasbourg où ils font beaucoup de cosplay et de combat au sabre laser, et à chaque fois qu'il y a un film Star Wars qui est sorti, ils sont allés faire des représentations d'escrime au sabre laser devant les cinémas. Oui, non, mais c'était un truc d'escrime à la base, comme il disait, Matt. Oui, oui, c'est pas un truc spécial. Oui, c'est pas ça, le truc spécial dont toi tu parles. Très oui, spécifique. Dans le time, c'est dans le Doubs, pas dans le Jura, mais on s'est compris, la preuve. Hein, c'est que... Ouais, c'est à peu près par là, quoi. C'est en province, quoi. On a capté. Bah, alors, du coup, je pense que voilà, on va reprendre le conducteur à l'envers, parce que la pratique sportive, ça arrivait vers le bas, mais on peut revenir à la création de sabres laser, ça s'est fait depuis très longtemps. Voilà, tout le monde, même dans le chat, disait qu'ils avaient fait des sabres avec des rouleaux d'essuie-tout, etc. Mais c'est quelque chose qui se fait depuis longtemps et qui a beaucoup évolué ces dernières années, au final. Pendant longtemps, c'était très compliqué de faire des sabres, parce que forcément, bah, il fallait le fabriquer soi-même entièrement, soit bricoler quelque chose avec de la plomberie, avec des tuyaux, avec ce genre de choses. Il suffit que voilà, tu sois plus dans un coin où tu aies du système métrique et dans l'autre coin, ce soit du système impérial, ça complique aussi un petit peu les choses, forcément, si tu veux certaines pièces. C'était pas évident, c'est même toujours pas évident au final, mais ça s'est quand même beaucoup simplifié. C'est-à-dire que ça a énormément évolué. Par exemple, moi, la dernière fois que j'avais dû regarder comment faire, c'était dans les années 2010, aux alentours de 2010, 2007, par là, 2008. Et bah, à l'époque, c'était un petit peu... C'était un petit peu compliqué déjà. Parce que si on voulait du polycarbonate, donc pour faire la lame principalement, c'est le matériel le plus résistant qu'on ait pour faire des lames qui ne se pètent pas en morceaux, fallait aller chercher ça aux US. Donc forcément avec un diamètre en système impérial, et puis fallait importer ça, ça coûtait très cher, fallait récupérer, fallait faire des commandes groupées. Et, c'était un petit peu le bazar, et puis donc c'était soit on faisait des manches bricolées, on va dire, avec ce qu'on trouvait au rayon plomberie du Roi Merlin du coin, soit fallait partir sur du Graflex. Le Graflex, c'est un flash utilisé en photographie à l'époque. Je crois que tu as une image, Grushkov. Ouais, attends, en fait, t'as appelé Graflex le sabre laser, mais l'autre tu lui as pas donné le nom. Non, justement. Non, c'est l'appareil photo. Alors, il y a l'appareil photo. Je sais, l'appareil photo, tu lui as pas donné le. Et l'image qui s'appelle Graflex, en l'occurrence, c'est juste le tube du flash, et on voit que ça ressemble énormément au sabre d'Anakin, en l'occurrence. Ça, c'est le TurboGrafx, légèrement modifié, je crois. L'image de l'appareil photo s'appelle deliveryservice.jpg. Ah, qui n'a aucun rapport. Ah oui, je n'ai pas renommé les images, hein, je n'ai pas eu le temps. Moi, ah bah bravo. Voilà. Et ça, déjà, bah, déjà à l'époque, même dans les années 2000, vous pouvez voir le tube. Bras. Les tubes Graflex, comme ça, au final, ça coûtait un bras, ces machins-là. C'était quasiment introuvable. C'était quasiment déjà introuvable à l'époque, et c'était très utilisé bah, pour faire notamment bah, des répliques de Sam d'Anakin, forcément, vous en doutez. Voilà, effectivement, Iridan, c'est très compliqué de trouver un Graflex pas cher. Ça coûte un bras. Donc c'était soit ça, soit on bricolait de la plomberie, et on se démerdait pour récupérer du polycarbonate aux États-Unis. C'était un petit peu la merde. Alors, maintenant, ça a évolué. Ça fait piquer un tuyau et qui ne savent jamais que c'était de ta faute s'il y avait une... mais du coup, voilà, maintenant, alors, entre 2010, on va dire à peu près, et 2015-2017, un peu avant l'épisode 7, ça a pas mal évolué parce que du coup, maintenant, on a, avec Internet, avec les petites boutiques, les Etsy et trucs comme ça, on a plein de tourneurs, de fraiseurs, de machinistes qui ont accès à des machines et qui peuvent faire des pièces dédiées à ça, en fait, si vous voulez, tourner des pièces qui n'a plus qu'à visser sur un tube derrière après. Donc maintenant, on se retrouve avec énormément ça, de petits artisans, on va dire, qui font des pièces qu'on peut directement acheter, monter sur son sabre, et voilà, c'est fini, ça va assez vite, on a quelque chose de très propre. Forcément, par contre, ça coûte un bras, parce que la plupart sont aux États-Unis ou peut-être en Angleterre, et faut faire venir les... Ça varie beaucoup selon la qualité que tu veux, parce que ouais, voilà, c'est ça, tu peux trouver des sabres, genre des sabres d'entraînement pour faire de la chorégraphie ou de l'escrime. Pour dans les, je sais pas, 100 balles, quelque chose comme ça. Et par contre, les sabres comme ceux qu'il y a en image là sur le stream, bah, le truc, c'est genre c'est ouvragé, le design, il est unique et personnalisé, et c'est gravé à l'acide, et ça coûte plus dans les 500-600 balles. Voilà, bah, ça peut monter même très haut. Tu peux pas l'utiliser, quoi. Je vais y venir. Ouais, voilà, ça c'est plus une pièce de collection ou une pièce que tu mets sur un costume ou que t'exposes, mais ouais. tu fais pas trop joujou avec, à part mais si non, tu fais peut-être que de la chorégraphie. Dans ces époques-là, on était encore sur une électronique relativement basique, c'était encore assez simple, et bah, déjà on arrivait à faire des beaux sabres. Voilà. Et puis relativement facilement, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait un budget, en gros il chopait un tube. Et il chopait plein d'éléments, à monter dessus, et c'était fait. Après, ça, là, on a une autre phase, on va dire. Jusqu'à maintenant, en fait, simplement, où l'électronique a beaucoup plus évolué. Maintenant, on se retrouve avec des petites cartes dérivées d'Arduino, je crois. Enfin, des cartes qui sont capables de gérer à la fois la lumière, à la fois le son aussi, avec un système de gyroscope intégré, pour que justement, en fonction de l'inclinaison du sabre, des mouvements, on ait des sons différents. Maintenant, on a des nouvelles LED, alors j'ai plus le nom en tête, qui sont incroyables. Des LED qu'on peut en avoir, je sais pas, plusieurs centaines, je crois, sur une seule lame très très proche. Donc, on a un rendu très très propre. Et là, voilà, les LED, les NeoPixel, merci Saito, effectivement, tu m'en parlais l'autre jour. C'est toi qui m'as filé toutes les infos d'ailleurs, qui m'a aidé un peu à résumer tout ça. Et donc maintenant, on se retrouve avec de l'électronique de qualité aussi, et surtout très très très performante. Et ce qui a aussi évolué, c'est comme tu disais, Funeli, c'est que maintenant on a des entreprises dédiées maintenant qui fabriquent vraiment des sabres, alors plus ou moins à la chaîne, plus ou moins à l'unité, avec différents niveaux de finition, mais on peut trouver des sabres dans les 150, dans les 300 euros. Il y a des petits fabricants chinois, alors eux, par exemple, ils n'ont pas trop mangé le marché, mais ils proposent des sabres pas ouf à 50 balles, qui a priori peuvent faire le taf si on veut juste s'amuser un petit peu, mais sur lesquels il n'y a pas de personnalisation possible. Mais à côté de ça, effectivement, maintenant on peut, voilà, tu peux, il y a des artisans chez qui tu vas demander une commission, voilà, tu vas envoyer ton design et le sabre va te coûter 1500 euros, mais il sera parfait, quoi, il sera impeccable, il sera comme ceux qu'on a sur les captures d'écran là, les photos, ça sera des œuvres d'art, les machins, quoi. Donc ça a énormément évolué. Par contre, moi, ce que je regrette juste un peu, c'est qu'il n'y a pas trop le côté je fabrique mon sabre. C'est je fais fabriquer mon sabre ou je chope des pièces à assembler ensemble. Il n'y a pas trop le côté do it yourself. Je ne me suis pas renseigné là-dessus, mais je pense que ça doit exister. Soit des gens qui essayent de faire des kits, ou tu as aussi des gens dans les communautés, tu sais, qui essayent de côté Fab Lab et tout ça, qui essayent de les fabriquer eux-mêmes aussi. Je pense, en fait, l'idéal pour faire un beau sable maintenant, c'est d'avoir accès à une CNC qui va une CNC et un tour qui entame du métal, quoi. Après, une fois que t'as, c'est ça, faut voir le matos, quoi. Ce matos-là, tu peux faire ce que tu veux parce que trouver le kit, l'électronique, la lame et ce qui va dedans, c'est pas le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est de faire quelque chose de balade qui a de la gueule au niveau du manche du sabre. Et là, à moins de le faire en autre chose qu'en métal, mais c'est pas solide. Il faut les machines ou le savoir-faire, quoi. Oui, Saito nous précise que dans les sabres à plus de 1000, on a aussi tout l'intérieur qui est fait en laiton. C'est-à-dire qu'on a le châssis qui embarque l'électronique qui est fait en laiton. Certains s'embêtent même à reproduire les systèmes Kyber en mettant des morceaux de quartz, en allant très loin. Ça peut être très très beau. Oui. Certains sont aussi bons démontés que montés. Mais voilà, en fait, comme dit Saito, on a des pièces standardisées qui se vissent maintenant. Donc c'est plus simple que de passer des heures dans un Fab Lab, ne serait-ce qu'à apprendre comment une machine marche. La facilité pousse à aller commander des pièces et à monter. Ouais, bah c'est ça, c'est une autre démarche, mais je sais qu'il y a des gens qui le font, mais voilà, c'est plus pour la démarche d'apprendre à se servir des outils, etc. Et des machines, ouais. Voilà. Ce que je trouvais juste dommage, alors on a des résultats de ouf, c'est juste que par rapport justement à toi, tu connais bien ça au Mando, où vraiment les Mandos fabriquent leurs propres armures généralement, j'imagine, enfin ça fait partie de la démarche un peu, du truc, de faire son armure. Là, en l'occurrence, je trouvais ça un peu dommage de juste assembler des pièces achetées, quoi. Ouais, franchement, dans la communauté, on va dire, Star Wars, des fans de Star Wars, il y a quand même beaucoup de personnes qui vont acheter à des artisans et acheter à des gens qui savent bien le faire, plutôt que de le faire eux-mêmes. Ça dépend vraiment. Même chez les Mandaloriens, il y a pas mal de gens. Enfin, moi, je sais que pour les casques, par exemple, j'aurais plus les tendances à les acheter à des artisans. Et après, pour le reste de l'armure, à le fabriquer moi-même. Voilà, enfin, il y a quand même tu mets du tien dans l'armure, enfin, même si c'est délicat, le reste, si tu... enfin, c'est une sorte d'implication, je trouve, et que c'est intéressant dans le cas des Jedi, où justement, eux fabriquent leur sabre. À un moment donné de leur apprentissage, je trouvais ça intéressant de... Tu crées ton sabre et tu t'impliques dans la fabrication. Alors que là, passer commande, ou voilà, c'est pas le même... Comme Galaxy's Edge, t'as toutes les pièces qui sont en pièces séparées dans des bacs, et toi, tu l'assembles. Mais du coup, t'as juste l'assemblage à faire, tu crées rien. Ouais, ouais. Et après, je me disais... Enfin, oui, mais tu choisis le mélange. Les Jedi, ils ont des ateliers CNC à s'emmerder à fabriquer toutes les pièces, je sais pas. Donc, voilà, j'imagine que ça dépend des approches et de ce qu'on recherche aussi dans le fait de construire un sabre, quoi. Voilà. Est-ce qu'ils sont là encore, Grushkov ? On les a perdus ? Si, je suis là, je vous écoute. En tout cas, de ce que je vois dans le chat, il y a Eridan, par exemple, qui, lui, serait plus sur la démarche de vouloir en fabriquer un en partant de zéro. Eridan, il a la chance de savoir comment marchent les machines, de savoir s'en servir, de savoir concevoir avant aussi, forcément. Là, pour le coup, même si moi, je ne saurais pas faire tout ça, j'aimerais bien voir comment il fait ou faire avec lui, par exemple, tu vois, dans l'idée. Parce que fabriquer quelque chose qui te... correspond, j'aime bien l'idée de participer au maximum à la fabrication, quoi. C'est surtout ça que je trouve intéressant. Voilà, comme Saito nous dit, actuellement il fait le sien, c'est plus compliqué, il galère, ça n'aura pas forcément un rendu fantastique, mais c'est le sien, c'est un peu la tradition, c'est le côté j'ai fait le mien, ouais. Et moi qui comme ça. Il est moche, mais c'est le mien, c'est un peu comme avec tes enfants, quoi. Oh. Je sais pas pourquoi je vais se tenter un truc comme ça. Ah vache! C'est exactement ça. Oui, dans Clone Wars, c'est pour ça, Iridan, que je me disais ça, c'est que les Jedi, ils s'emmerdent pas à fabriquer plein de pièces, c'est que dans le fameux vaisseau où t'as les gamins qui assemblent leurs sabres, là, les Younglings, ils doivent avoir des bacs entiers de pièces détachées et puis ils se servent dedans, quoi. Je pense que ça doit être le droïde qui s'occupe du vaisseau qui doit se faire chier quand il y a personne qui est là, du coup, c'est lui qui fabrique toutes les pièces. Il se fait son petit délire DIY, là. Tu sais, c'est le prof d'art plastique qui, quand tu rentres en cours, te dit « Bon, vous voyez le bac à merde, là, vous allez faire une œuvre d'art avec. Regardez-vous. » Enfin, t'es youngling, tu fabriques ton sabre avec des pièces aftermarket, et puis... Par contre, quand tu vieillis, quand t'as un maître, après, tu fais le tien de A à Z, machin, tu te fais chier, parce qu'après, on a des sabres avec des incrustations de bois, je crois que les sabres de Wookiee, par exemple, il y a quand même du bois dedans, et tout ça. Dans le premier livre de la Haute République, il y a une maîtresse Jedi qui parle de ça, qui dit qu'elle, son sabre, il est tout vieux, tout dégueulasse, et qu'elle pense qu'il n'y a pas un sabre plus laid que le sien dans toute la galaxie. Et elle dit, et du coup, elle explique un peu que Généralement, les gens, ils, tu vois, ils modifient un peu leurs sabres au fur et à mesure, soit pour les réparer, soit purement pour les rendre plus beaux parce que ça correspond mieux à l'esthétique qu'ils veulent, etc. Mmh. Pour le coup, dans la Haute République, c'est des fashion victimes, hein, les Jedi. Hein. Non, mais c'est clair. Mais en même temps, ils ont raison. Je veux dire, tu ferais quoi à leur place ? Non, mais ouais, je ferais la pierre. Hein. J'aurais été le premier à vouloir me faire une armure en dorure d'or et un petit sabre en bois d'arbre kachik. Enfin, vraiment. Comme, de rochir. D'arbre de rochir, comme de Riyaga. Quand t'es pas calé oui, en train. Oui, oui. C'est l'appropriation culturelle, là. Ouais, mais non, parce que Bubu, c'est mon bébé. Chronos en titre de Mick nous dit que quand t'es pas forcément calé en craft, c'est pas plus mal de s'impliquer dans le design et de faire appel à un artisan, un peu comme pour les casques, Mondo. Oui, je suis d'accord, mais comme je disais, au final, ça dépend de ce que tu recherches aussi dans la démarche. Je sais que moi, j'aime bien bricoler de base, simplement, même si je suis pas forcément doué. Je pense que je préférerais en faire le maximum plutôt que de confier à quelqu'un. Après, c'est aussi parce que j'aurais pas la thune de confier tout à quelqu'un non plus. Donc, ouais, puis ça dépend aussi des capacités des gens. Je sais que moi, par exemple, faire un sable, c'est pas possible. Pour autant, je pense qu'un jour, j'aurais bien aimé en avoir un. Donc, oui. Voilà, à ce moment-là. Là, tu passerais comment auprès d'un artisan, auprès de voilà, d'amis ou d'artisans qui savent faire et tout ça. C'est vraiment quelque chose Il y a de ça aussi, effectivement. Allez-y, envoyez des sous aux artistes. À nous. Et puis après, on enverra aux artistes. Mais voilà, Saito nous dit aussi, mais quand t'as pas les moyens, c'est pas possible de voir avec un artisan et autant prendre une scie, un Dremel et une lime et d'essayer soi-même. Et ça coûte pas d'argent tout ça ? Bah, ça coûte moins d'argent qu'un sabre. Bah, faut avoir un atelier, c'est pas sûr. Alors, c'est pas sûr, mais ça coûte quand même, voilà, je pense, moins qu'un sabre. Si tu fais déjà du bricolage et tout, oui, c'est forcément beaucoup plus accessible. Niveau du fric, mais des fois c'est pas vraiment moins cher d'acheter tous les trucs pour faire soi-même, surtout si t'as aucune compétence en... Oui. Après ça dépend si tu fais tout ça, est-ce que c'est vraiment toujours dans le truc ou est-ce que c'est si tu fais ça un petit peu, on s'éloigne un petit peu, on va vite finir, mais voilà, comme enfin c'est tu vas payer peut-être 100 balles ton matos, mais un artisan qui va te faire ton design, ça va te coûter 500 quoi. Après, tu peux acheter Ça dépend si tu fais comme moi quand j'ai commencé à essayer de faire des casques Mando moi-même et que du coup, tu dois te retrouver à acheter trois fois les matériaux parce qu'à chaque fois, tu te foires. Oui. Du coup, tu te dis peut-être que j'aurais dû l'acheter tout fait, en fait. Le plus cher, c'est les outils parce que le tube en inox, ça devrait aller. Mais si vous payez des artisans, hein. Payez leur en argent et pas en visibilité, s'il vous plaît, par contre. Yes. Oui, bah, pour le coup. S'il vous plaît. Je pense qu'après, vraiment, ça dépend de l'approche que tu recherches, tout simplement. Tu prends un tube de Pringles et tu fais visu. Ça marche aussi. C'est un peu épais, hein, quand même. Et puis sinon, il y a des jouets, hein, ils en font toujours des jouets, des sabres laser. Oui, d'ailleurs, hein. Les jouets, justement, sortez les images épais, de jouets. Trop là. Épais. Mais vous en avez pas donné ? Ouais, j'en ai jamais eu. Mais je me souviens, j'avais eu le double sabre de Dark Maul quelques années après le film, à Noël. J'étais comme un ouf. Hein. Alors j'avais peur de le casser, mais j'étais comme un ouf. Avec les lames en plastique qui se déploient, il est en forme de cône de circulation. Là. Mais c'était très cool. C'est ce qui est drôle, c'est que moi, quand j'étais petit, donc j'ai grandi avec la prélogie, donc vraiment les sabres laser au centre de l'action. Et pour autant, j'ai jamais eu de sabre laser en jouet parce que je sais pas pourquoi. Tous mes potes en avaient, moi j'en avais pas. Et j'en voulais pas forcément. C'était un petit trou de balle et tu méritais pas. Mais ouais, je pense que c'était ça. Mais non, parce qu'en vrai, à côté de ça, j'avais plein de trucs. Mais c'est vrai que ouais, c'était drôle. Je t'ai mis une image dans le drive, Grushkov, parce qu'il y a un type de jouet sabre laser. Mais est-ce qu'on est obligé de parler de ça ? Bah, je l'ai teasé sur Twitter. Ouais, mais moi, je sais pas ce que c'est. Je me souviens vaguement de ces trucs-là, parce que moi, je me souviens que pour l'épisode 1, il y avait les cuillères, il y avait les bustes. Ouais. Mais les sabres, je crois que ça arrivait avec l'épisode 2. Le truc d'Adrien, là, c'est... Mais vous l'avez foutu où, le drive ? Dans ton cul. J'ai pas réussi à trouver, je pense à trouver tout à l'heure non plus. Mais parce que Matt, il a créé le truc et il a dû le créer ailleurs que dans notre truc. Que dans je t'envoie le hub. Faut qu'on mette Faut, voilà. faut qu'on pose un podcast pro. Non, mais c'est ça. Ça. Mais un jour, on fera un truc carré, vous allez voir. Non. Mais, un truc carré. Mais c'est vrai quoi, les jouets sabre laser, c'était quelque chose. Alors, entre les manches qui étaient deux fois trop gros et les lames qui se dépliaient, mais du coup, qui étaient. Toute moche, c'était quand même assez impressionnant. Là, t'avais été l'espèce de truc en cône là où il fallait donner un coup avec le bras pour que ça se déplie. Ouais, ouais. Il fallait appuyer comme un cinglé pour que ça rentre, la lame rentre en fait. C'était vraiment mais impressionnant. De quoi ? Quel sabre ? Les vieux sabres, je sais plus qui c'était qui avait fait ça, mais c'était des sabres où en gros quand tu bouger ton bras, t'avais, tu sais, fort, et ben t'as la lame qui se dépliait. Ah oui, mais c'était une lame en plastique rigide avec des. Ouais. Qui s'emboîtaient là, enfin qui se. Ouais, c'est ça, c'était genre en étage un peu, qui s'emboîtaient les uns les autres. J'en avais un, ouais. Alors j'en avais deux faux, qui étaient pourris, nous la chier, et j'avais le celui de Dark Maul comme ça. Je crois que c'était Hasbro qui faisait ça, ouais. Ceux qui avaient la. Ouais, il me semble. Ouais. Ouais. Ouais. C'est vrai qu'il y a aussi des jouets sabre laser bootleg. J'avais celui de. Oui, voilà. On aurait dit des lampes torches avec la lame dessus, quoi. Mais ça avait fait l'affaire quand j'étais gosse, quoi. J'étais bien éclaté avec le petit frère comme ça. Du coup, tu lui laissais Grouchkov ? Bah, rien. Mais. Du coup, voilà, il y a la photo, c'est bon, t'es content, Adrien ? Voilà. Et donc, tu voulais nous dire quoi à propos de ça ? Moi ? Oui. Mais on n'a pas entendu l'anecdote de Grouchkov ? Mais non, mais je disais juste que moi, j'avais ceux-là. Ceux qui étaient dépliables, qui faisaient de la lumière et du son, et j'avais celui de Yoda et celui de Dooku. Ah ouais, Dooku, il y en avait un. Ouais. Ah, non, mais les trucs, ils faisaient la taille de. Enfin, en oui, épaisseur, ils étaient plus larges que mon bras. Oui, hein, j'étais dit. c'était énorme parce qu'il fallait faire tenir toute la lame à l'intérieur, c'était n'importe quoi. Ouais. Non, mais même toute la lame, elle est pas à l'intérieur en plus, hein, parce que justement, t'as toute l'électronique. Donc, c'était dépliable, mais c'était pas repliable en entier, tu vois. Ah, je crois que celui de Maul, il se replie en entier, moi, pour ma part. Mais. Parce que t'étais un connard de riche. Ah, peut-être. Non, mais je l'ai eu à l'époque de l'épisode 2, ils sont dû le choper en promotion, mes parents. Mais j'étais très. Et donc, du coup, à l'écran. À l'écran, pour ceux qui ne seraient pas sur le live, on voit des jouets sabre laser, des paquets Kellogg's. Je crois que c'était en 2004, un peu plus avant peut-être. Il me semble que c'est pendant l'épisode 3, où en gros, donc c'était des tout petits sabres. Hein, c'est vraiment tout petit. Ça a la taille d'un téléphone, je crois. Et en fin de compte, le manche. De quoi ? C'est généreux hein, au niveau de taille. Non, c'était pas assez petit que ça, je crois. Et donc, on pouvait obtenir ça dans des paquets de céréales. Ouais. Vous en aviez eu, vous ? J'en ai eu. Je ne fais pas de Kellogg's. Mais moi, j'ai jamais... Pardon. J'avais personne avec qui faire des combats. En plus, la lame, elle tenait pas en l'air. Si tu le mettais droit, elle se rentrait toute seule. Tu pouvais pas la bloquer. Du coup, j'ai jamais... Deux. J'ai jamais fait de combat avec, mais j'aimais bien les foutre dans ma bouche. Est-ce qu'on raccroche pas à ce que on disait tout ça? Ça, c'était avant, ça. Tu vois que c'est une époque révolue. Hein. C'est pas moi, là. Tu disais, Adrien, à propos de la symbolique des... Non, mais c'est bon, j'arrête là. Mais non, mais pour le coup, ces sabres-là, je les ai toujours trouvés dégueulasses. Et moi, j'avais cette relation d'amour-haine avec, parce que je voyais tous les gosses dans la cour qui jouaient avec à essayer de se taper dessus, alors que la lame, elle est deux fois trop petite. Et du coup, j'étais là en me disant, ils sont trop nuls, leur sabre laser. Et en même temps, j'étais là en mode, putain, la chance, ils en ont, moi j'en ai pas, parce que je m'en fous de Kellogg's. C'est pas la taille qui compte en plus. Mais oui, mais complètement, c'est ça. C'est une bouche pour te taper dessus avec. C'est un beau message, mais en tout cas, ça nous rappelle l'époque où avant que Disney achète la franchise, George Lucas ne voulait absolument pas d'argent, là, c'était pas du tout une franchise commerciale. Non, voilà, c'est vraiment devenu n'importe quoi avec, depuis que Disney a attrapé le truc, là, c'est devenu commercial. Là, franchement, ils pensent qu'à l'argent. Hein. Star Wars, c'était pas comme ça. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public de Twitch. Fabriqué par des artisans dans un petit garage. Donc voilà, c'est quand même ces sabres-là. C'est pour ça que tu voulais faire ça. Pas que, mais moi je trouve ça intéressant, les jouets d'époque sur les sabres laser, c'est toujours intéressant. Il y a plein de d'anecdotes à raconter par rapport à ça. Pas que d'époque. Ils vont faire public. Alors, ils font encore des sabres. Hein. Alors, il y a les sabres pour enfants, justement, qui se déplient, ils en font encore des trucs comme ça. Je crois que même pour Rebels, il y en avait eu avec... celui-là de l'Acquisiteur et celui-là de Kanan, ils avaient fait tout ça. Et sinon, il y a encore les Black Series. Du coup, là, par exemple, le Darksaber, dont on parlait tout à l'heure, et qui sort bientôt. Ouais, les Force FX et tout ça. Et, voilà, les Force FX, et puis de Hasbro, toujours. Et puis, on a aussi ceux de... Je crois qu'ils ont aussi fait celui-là de Dooku et compagnie. Donc, on peut s'acheter aussi des sabres relativement pas trop chers. Et vous, cher public? Pardon. Quels sont vos goûts par rapport aux sabres laser? Bien, notre petit Adrien, il a fait des petits sondages. Et on va partir là-dessus pour finir le... Ah, super. Super. Bien cuté, Adrien. On est bien, là. Pour de vrai, c'est pas bien cuté. Bah, regarde non, cette merde. C'est lui qui sait pas le sens, enfin, déplacer son image. Là. Mais non, mais c'est dégueulasse. Comment tu veux que je le mette bien, là? C'est dégueulasse. Ah oui, je veux pas cuté votre Non, mais le mets pas sur un tout auteur, et puis voilà. La source devant, sinon, simplement. Voilà, comme ça, c'est bien. C'est bien, comme ça. Je vais le mettre en deux parts. Mais, et continuez, vous, pendant que je mets les images. J'ai une question. C'est qui, tous ces gens qui ont voté pour Mauve? c'est parce que, attends. C'est non, mais parce que, attends, 26,4% de 144... Ça fait... Allez, donne-moi le résultat, s'il te plaît. Nick. On attend que... Je crois que ça faisait à peu près 35 personnes. Donc, est-ce que c'est Samuel Jackson qui a 35 comptes Twitter? Je ne sais pas. Je suis vraiment, vraiment étonné de chiffres. Alors, pour le sabre de Mace Windu, justement, je ne sais pas si c'est toujours canon, mais il s'est expliqué qu'à l'époque, c'était pas un sabre qui n'avait pas de cristal à l'intérieur. Qui n'avait pas de cristal Kyber à l'intérieur, non, et qui fonctionnait différemment, qui avait un autre fonctionnement. Et qui... C'est pour ça qu'il y avait une lame mauve. Non, ça a changé. En fait, c'est que. Il voulait juste. Oui, non, mais je sais que officieusement, il voulait juste une lame différente des autres. Et. Pour qu'on le repère dans la masse, dans les scènes de l'épisode 2. Mais il me semble qu'ils avaient justifié ça dans le guide visuel en disant que c'était un sabre qui marchait différemment des autres et qui n'avait pas de cristal à l'intérieur. Waouh! Du coup, je me demandais si au niveau du canon actuel, c'était toujours valable. Aucune idée, il faudrait faire une petite recherche là-dessus. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas aussi des fans de Revan qui ont voté pour le violet, parce qu'il me semble que Revan, il a un sabre violet. Non, mais c'est pas mauve. Ah, violet, c'est pas mauve. Bah. Ce que je veux dire, c'est pas la même teinte. Moi, je suis mauve, surpris. Mauve, c'est vraiment. Non, mais je veux dire, si on considère le sabre de Windu comme mauve, bah, du coup, c'est la même chose pour le sabre de Revan, parce que c'est le même délire. Ouais, je pense pareil. Je trouve que celui de Windu, il tire pratiquement sur le rose. Hein. Ouais. Alors que celui de Revan, il est vraiment, pour le coup, plus vraiment dans le violet. Ça dépend comment tu règles ton écran. Alors, je me suis fait engueuler dans les réponses au tweet de ces sondages, en me disant, on m'a dit justement, ouais, mais non, mais du coup, ma couleur de sable préférée, c'est, je sais plus, le orange, on m'a dit. Mais il n'y avait pas la place, du coup, de vraiment mettre que 4. Saito, il voulait du orange, je pense. Ouais, Saito, il me semble, c'est ça. Donc, Saito, je suis désolé, moi. Saito, Ika. Mais Ika aussi, voilà. Bon, je ne pouvais pas mettre tout, sachant que c'est les 4 couleurs qu'on voit dans les films. Oui, voilà, donc, c'est ça. Et je suis vachement étonné que jaune arrive en deuxième place. Jaune arrive au-dessus de bleu. Mais après, est-ce que ça vient pas justement de KOTOR et tous ces trucs-là où, je veux dire, moi aussi, hein, quand j'étais ado, le jaune, c'était mon préféré. Hein. Après, j'ai grandi. C'est toujours mon préféré. Je n'ai pas grandi. Oui, mais oui, ça se voit sur ton visage. Tu le sais, même les IA le savent. Voilà. En vrai, le jaune, c'est stylé, mais... Je suis en train de regarder la page wiki sur le sabre de Mace Windu et il y a écrit Crystal, Kyber Crystal. Et attention, ils disent que la couleur, c'est améthyste. Attention. Oui, rose. Et attention, là, on est sur du Pantone, quoi. La couleur marron, c'est vrai, ça, j'ai jamais vu de sabre laser marron. Peut-être parce que c'est de la merde. Alors, la gueule. Ah, vos couleurs caca. La description, elle a aucun sens. Mais oui, marron, je sais pas si ça peut se faire de la lumière marron comme ça. Peut-être un côté un peu bronze, tu vois. C'est orange, c'est bronze, ouais. Bronze, ça peut être marron, stylé. Marron, c'est dans le thème du caca, quoi. En vrai, bronze, ça peut être stylé. Mais et au niveau de la forme de sabre laser, je trouve qu'on est plutôt dans du raisonnable. Le sabre classique, qui a plus de la moitié des votes, suivi ensuite par le cross-guard à la Kylo Ren et tout. Et ensuite le double sabre et après la version pliable Playmobil là. Je trouve ça inadmissible qu'il n'y ait pas l'hélicoptère sabre. Il est dans le double. Ouais, pour moi c'est dans le double. Il est compté dans le double. Ouais. Mais pour le coup, petit aparté par rapport aux couleurs, juste, moi j'ai voté vert. Mais sachez que dans ma tête, un sabre laser, c'est et ça restera toujours bleu. C'est bizarre, hein, mais genre par exemple, Fallen Order, je l'ai fait la première fois avec le sabre bleu de Cal, en fait. Incroyable. Et parce que pour moi, c'était ça la couleur de base. C'est bizarre. Hein. Et je suis surpris perso par la proportion de vert, en fait, justement. Je sais que le vert a des plus jolies nuances, je pense, que le bleu. Le bleu, c'est un peu plus compliqué de lui donner des jolies couleurs maintenant. Le bleu, c'est trop mainstream. Mmh. Alors que des variantes de bleu... Moi, j'ai voté vert parce que... Les variantes de bleu, ça rend pas mal. Vous qui l'avez lu, machin, la Haute République, il y a des nuances de bleu dans les sabres, c'est très cool. Oui, c'est vrai. Mais pareil, moi je ne l'ai pas lu encore, mais de ce que tu as l'air de dire, je pense qu'eux aussi, ils choisissent les couleurs de leur sabre sur un nuancier Pantone. C'est possible. mais ça voudrait dire qu'en gros, les cristaux sont moins difficiles à trouver, ce qui pourrait être logique, en fait, d'un point de vue de l'histoire. Je crois que la couleur venait de l'influence du Jedi. La personnalité... C'est ce que j'ai cru comprendre. Ouais. C'est ça. Mais justement, j'allais dire, moi j'ai voté vert, mais après, quand je pense, par exemple, dans Fallen Order, le sabre vert, il est dégueulasse. Mais oui, on est d'accord. Genre vert et émeraude brillant, là. Ouais. Ouais, mais il faut avoir la bonne teinte, quoi. Alors que jaune, c'est vrai que c'est, entre vert, bleu et jaune, c'est le plus. Ça rappelle le Ricard en plus, c'est cool. Comment on kick quelqu'un déjà? Juste pour revenir au sabre de Mace Windu, dans le Legend, on nous dit qu'il c'est un cristal Hurricane à l'intérieur. D'une autre planète, c'est pas un cristal Kyber. Cristal américain, c'est un cristal Ricard. Voilà, justement, on revient au Ricard. Et voilà, un autre cristal Ricard. Son sabre laser est fait en électrum. Voilà, il se la pète totalement, en fait. Ça correspond bien au personnage de connard de Mace Windu, je trouve. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est pour ça, et là, on a 26,4% de connards dans le connard. Les gens qui ont voté. C'est pas vrai, hein. Peut-être. On connaît des gens qui aiment bien le mauve T'as pas mis les crosses courbées dans le oui, sondage, plutôt que le pliable. Plutôt que le pliable, ça aurait été bon. 3 secondes dans un film de merde. Mais quoi, de quoi vous parlez? Mais les crosses incurvées de Doku et de 23. Ouais. Non, mais moi, je parlais des lames surtout. Je pensais pas aux. Parce que tu parles des lames pliables, connard? Mais non, mais. Les lames, elles sont disposables dans les deux sens. Enfin... merde, vous avez qu'à faire les sondages. Écoute, comme ça, ça coûte mieux. Mais ouais. Quand même avoir le mauve en deuxième place, vert et mauve. Enfin ouais, pour les couleurs, je trouve ça très rigolo. J'aurais pensé que le bleu allait gagner facilement. Il est dernier. Je soupçonne pour les couleurs, Grushkov, je soupçonne qu'on se soit tapé un raid de je sais pas quoi, parce que vraiment, pendant plusieurs heures après le début du sondage, Mauve était en dernier, mais de très loin. Mais c'est oui. Exactement ce que je dis depuis le début, c'est Samuel Jackson qui arrivait avec ses 35 points. C'est vraiment, c'est possible, c'est vraiment possible. Donc bon, alors, c'est la seule solution. Je ne sais pas, Eridan, si les perles de Dragon Crate peuvent être utilisées à la place d'un cristal, ça ne me dit rien. Ça, c'était dans les jeux vidéo, genre dans KOTOR, ça arrive. Mais je crois que c'est même pas à la place d'un cristal, c'est en fait dans KOTOR, tu mets des cristaux en plus de ton cristal de couleur pour apporter des effets en fait à ton sabre. Oui, mais Eridan, on s'en fout. Tu rajoutais ça. C'est pas canon, on s'en branle. Ça y est, c'est Tipar. C'est pas moi qui l'ai dit. Mais moi, je trouve qu'on parle pas assez d'une couleur, la meilleure, c'est le rouge. Bah, et c'est la fin du rouge, écoute. C'est la fin du live. Salut tout le monde. Moi j'aime bien les sabres rouges, vraiment. C'est... Les bisous. Que... Non, en vrai, ça. Il est presque plus iconique que les autres. Surtout quand ils sont craquelés, là. D'ailleurs, l'idée, c'est que le cristal, il est fendu de Kylo, c'est ouais, ça. Ouais, il est brisé en plusieurs morceaux. Justement, quand il. Quand lui, il fait la cérémonie, le truc pour le. Faire le truc se brise en plusieurs morceaux. Mais il fait bon, bah je vais tout mettre là-dedans quand même. Je vais tout foutre là-dedans. Mais un petit coup de colle chaude. J'ai pas eu le temps de le mettre, mais il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que en général, tu vois, quand il passe du côté obscur, il change de sabre laser. Lui, non, il garde le même. Il rajoute le truc parce que justement avec le cristal pété, ça fout la merde. Alors du coup, il est obligé de mettre les deux trucs sur le côté pour évacuer le trop plein de bordel. En fait, c'est littéralement son sabre de Jedi peint en noir avec les trucs en plus. Ah oui, c'est vrai que je trouve qu'ils avaient des liens de similarité. C'est littéralement le même en fait. il a juste custom. J'ai je crois que c'est le seul qui a le même sabre laser en tant que Jedi. C'est le connard qui a cassé aussi. Alors. Perdu. Ou perdu, ouais, c'est ça. Vraiment. Mais pour le coup, je trouve ça rigolo qu'un truc soit aussi cohérent dans un film d'Abrams. Parce que pour le coup, parce le que sabre, c'est pas lui. Parce que non, son sabre de Jedi, on le voit dans The Last Jedi, on le voit pas avant. Oui, non, mais je veux dire, même sans sabre de Jedi, je trouve que le sabre de Kylo est très cohérent par rapport au personnage dès l'épisode 7. Oui. Le fait qu'il soit instable, le fait qu'il soit. T'as l'impression que ça constamment prêt à exploser. Enfin, ça reflète bien le personnage, je trouve. Ah oui, c'était fait pour. Alors, je te préviens, c'est pas une image recadrée et tout. Hein. C'est tiré du livre que je pense je vais choper parce que moi les sabres de base, c'est vrai. Fou. Il y a un bouquin qui est sorti uniquement en anglais qui a l'air. Au lieu de parler, tu l'envoies ou pas? En longueur, c'est envoyé, c'est sur le drive. Hein. Putain, mais tu pouvais me dire où tu l'envoyais. Au même endroit que les autres. Salut Jean-Yves. C'est un bouquin qui s'appelle Star Wars The Lightsaber Collection qui apparemment justement retrace les sabres de plein de personnages. On a genre 156 pages, avec d'un côté le sabre, de l'autre côté le personnage avec un petit texte, je crois. Et on a Obi-Wan, Luke, Anakin, Kanan et compagnie. Et à chaque fois, voilà, une photo du sabre correspondant, même celui de Rey, le sien, le jaune, pas les autres. Et ça a l'air très cool. Ça a l'air très cool. Ça a l'air compliqué à trouver. Ah ben non, il sort disponible le 9 mars. Excusez-moi, j'ai dit une grosse bêtise. Je vous mets le lien dans le chat pour ceux que ça intéresse. L'image que Grushko vient d'afficher est tirée de ce bouquin. Et du coup, ça, c'est le sabre de. Ouais, en fait, tu rajoutes la garde en T. Enfin, oui, c'est ça. Et tu le mets en noir. Et une grosse veine rouge qui fait la longueur. Et tu rajoutes aussi une grosse veine rouge qui fait toute la longueur. Les grosses veines rouges sont les sabres d'après Adrien. Et tout. Alors c'est pas moi, arrêtez, là, j'ai rien dit. Merde. Mais pour le coup, c'est vraiment un emo boy. Hein. C'est incroyable, le mec qui repeint son sabre noir. Quoi. Qu'est-ce qu'on aime. Ma drama queen préférée. Bah, au moins, comme ça, son émetteur ressemble à quelque chose, parce que là, c'est quand même assez moche. Non, il est joli. Non, je le trouve pas superbe, mais... C'est vrai, vous le trouvez pas beau, moi je l'aime. Non, beaucoup. Moi je le trouve pas beau. Mais là, tu vois, on aurait dû avoir celui de Leia parce que Leia, son sabre laser, du coup, au niveau du design, c'est un mélange un peu entre celui de Ben et celui de Luc. Et avec sa propre couleur, c'est-à-dire rose, parce que c'est une fille. Ça tombe bien, je viens de le mettre sur le drive, dis donc. Ah, incroyable. Et pour le coup, on a de la chance parce que sur la page produit d'Amazon, il y a les bons sabres qu'on voulait voir. Des fois, c'est bien. Un petit mot pour le sabre, le double sabre, qui, je pensais, allait beaucoup plus réussir que ça. Moi, je suis content qu'il n'ait pas plus réussi que ça. Moi, mon préféré. Maul, on peut dire ce qu'on veut, mais il est emblématique de la prélogie, je suis désolé. Non, c'est clair. Oui. Mais. Oui. Bah, il veut rien dire, quoi. Je veux dire, tu vois, ça raconte rien. C'est vrai que ça raconte rien. Il y avait un truc, contrairement à Kylo, ça raconte plein de choses, effectivement, pour le coup, le double sabre, c'est juste, regardez, c'est cool, c'est un double sabre. Même celui de Rey, au final, vu qu'à la fin, il est repris de son bâton, ça raconte aussi quelque chose. Et quand j'étais gamin, c'était juste cool d'avoir un double sabre. Mais c'est sûr. Hein. Je trouvais ça juste trop stylé. Et surtout, il raconte rien. Tu peux pousser les vis si tu parles de Clone Wars. Oui, ça raconte un peu le côté, côté double de Maul, quoi. Je t'ai mis aussi celui-là de Rey, pour le coup, du coup. Grishkov. J'ai perdu tout le monde. Est-ce que je suis tout seul? Non, je ne vis à personne qui te répond. Non, je suis désolé, c'est Tuki qui se mouche. Il fallait que je masque. Ah, oui. Je vais pas mettre cette merde. Bah, non, c'est pas celui-là dont tu parlais. Regarde le nom. Quoi, le nom? Regarde le nom. Oh merde, ils ont fait ça dans le bouquin. Je vais le mettre jusque pour que vous voyez. Tu veux pas mettre un bon gros... Tu sais, tu mets un bloc noir par-dessus. Pour le coup, je croyais que tu le trouvais joli, ce sabre. J'ai pas dit qu'il était joli. Hein. Non, en plus, je le trouve ultra chum, ce qui est dommage. Mais moi, je le trouve très caqué. Enfin, tu sens que Abrams l'a validé parce qu'il le trouvait cool. Moi, je le trouve très moche. C'est dommage. Hein. J'adore la façon dont il s'allume. C'est plutôt cool. Le truc qui pivote et tout, c'est vraiment cool. Le bruit est plutôt sympa. La lame jaune, j'aime bien. Il aurait dû être dans tout le film. Mais c'est complètement claqué, c'est dégueulasse. Les mais non, l'aspect, ça reprend pas l'extrémité de son bâton. Si, c'est complètement ça, oui. Cool. Oui, je disais, même celui de Rey, il raconte quelque chose, alors que celui de Maul. Oui, c'est tout. Je sais pas ce que ça aurait pu raconter en même temps. Enfin, il aurait fallu nous faire un background. Et en même temps, le mec, il est mort au bout de 2 heures et demie. Il ait une personnalité, ça, c'est chaud. Hein. Et d'ailleurs, à ce propos, en parlant de Maul, mais son sabre dans Rebels, c'est autre chose. Oui, son sabre dans Rebels, c'est autre chose, n'est-ce pas? Des images dessus. Tout à fait. Il est là, et du coup, je vais déplacer. Putain, quel pas. Désolé pour les gens qui écoutent juste. Exactement. Du coup, dans Rebels, son sabre utilise des parties de sabre récupérées sur des inquisiteurs. Donc c'est quand même assez cool. D'ailleurs, c'est ce sabre-là aussi qu'on voit dans Solo. Oui. Donc il a récupéré un sabre, en butant des inquisiteurs, un ou plusieurs inquisiteurs. Plusieurs. Hein. Et en plus, ce qui est cool, c'est qu'il s'en sert de canne aussi parce qu'il commence à être âgé, le bonhomme. Donc c'est vraiment très cool. Pareil, ce qu'ils ont fait avec Maul. Encore une fois, Maul, c'est la. Mais là, ça raconte quelque chose. Oui. Mais Maul, c'est la meilleure retourne acrobatique de toute la série. Hein. C'est clair. il est poursuivi par les inquisiteurs, d'ailleurs, parce qu'il les bute tous. C'est pour ça qu'il le cherche. Il le cherche, on est d'accord. D'ailleurs, c'est rigolo parce que les petites pointes de son sabre, là, ça ressemble à ses cornes. Oh, non. Bébé. Oui, d'ailleurs, pourquoi la partie du truc d'inquisiteur est retournée? C'est pas dans ce sens-là, normalement? Qu'est-ce que c'est que ce genre? Il a pas le kiki mou, il le met en l'air. Ça me stresse. Mais je pense que c'est parce que il y a plusieurs morceaux de plusieurs sables, du coup, il a dû assembler ça un peu comme il voulait, je pense. Comme il va mettre, il fait une petite crosse pour ça. Je peux pas croire qu'on a tenu 2 heures sur les sabres laser, les gars. Incroyable, hein. Et moi qui disais à la base, j'en ai rien à foutre des sabres laser. On commence à te connaître, Matt, c'est bon. Mais c'est toujours comme ça avec toi. Ouais, oui. Bon. C'est pour ça qu'on t'aime. Du coup, vous avez d'autres choses à raconter, les enfants? Mis à part que Maul, visiblement, il a piqué ses zizi à d'autres inquisiteurs. Je sais. Arrête! Il a piqué. Tu sais, c'est comme je t'ai volé ton nez, mais je t'ai volé ton gag. Tristan, si tu n'as pas compris l'intérêt, c'est qu'il faut, faut regarder Rebels et Clone Wars. C'est là que Maul. Enfin, tout l'intérêt de Maul apparaît, mais c'était pas prévu à la base, on est d'accord. Oui, c'est ça. En vrai, à la base, il ne servait à rien. Oui, mais c'est quand même Lucas qui est venu voir Filoni, lui dit Bon, il est pas mort. Le vieux cadeau empoisonné, le baiser de la mort. T'as Lucas qui rentre chez toi un matin qui dit au fait, Maul, il est pas mort, je vais le voir dans Clone Wars, c'était 3 jours. Allez, bye, ciao. Ce serait bien qu'il fasse ça avec certains. Il faisait vendre des jouets à balles, je pense. Hein. Ah non, oui. Mais de ouf. Oui. Mais c'est ça qui est ouf, c'est genre. Peut-être qu'ils auraient pu le faire revenir. Je veux dire, j'adore Christopher Lee, hein, mais ils auraient peut-être dû garder celui qui faisait vendre plein de merch dans les deux suites. Hein. En fait, Maul dans l'épisode 1, c'est un peu Boba Fett dans l'épisode 5, tu vois. Il y a de ça. Oh ouais, il y a de ça. Mais. Autant j'aurais pas voulu me passer Grievous, autant j'avoue que Maul dans l'épisode 2, j'aurais pas été content. C'est lesquels, les amis, peut-être pour conclure, vos sabres préférés? Alors, oubliez de côté la dimension symbolique, juste votre design préféré. J'aime bien celui de Kylo. Bah, on va faire par ordre. Attends, pardon. T'as dit quoi? Que j'aimais bien celui de Kylo. Oui, surprise générale. En vrai, celui de Leia était sympa aussi. Après, peut-être pas en qui rose. Hein? Quoi? Non. Qui est notre zizi préféré? Pas le tien. Arrêtez! Personne n'aime ton zizi, Matt. Saito, God, c'est pas spécifiquement chrétien, hein, comme mot. C'est vrai que Palpatine a un joli sabre laser, il faut admettre. Il est très clinquant. Il en a même deux, pareil. Quand il en a deux. Mais il a deux sabres laser, Palpatine. Je me souviens pas. Bah, t'as pas regardé Clone Wars. Ah si, dans Clone Wars, oui, voilà, oui, excuse-moi. Tant que ça revienne aussi. D'ailleurs, c'est pareil, c'est rigolo, parce que quand tu regardes l'épisode 6, genre, il est là en mode « Ah, t'as un sabre laser, dans l'homme de Jedi, c'est de la merde, tu vois ». Alors que bon, le mec, il en bute 50 avec. Adrien, ouais. Du coup, toi qui posais la question, c'est quoi ton préféré? Moi, c'est celui de Jarro Tapal, donc le sabre de Cal. Enfin, plus celui de Cal combiné à celui de Cyril. Merci d'ailleurs pour l'image. Oui, il ressemble, c'est parfait. Bah, ouais. J'en ai mis un, hein. J'en ai mis un, Coco. Où ça? Bah, celui où il y a la Nine Sister. Ah oui, pardon, celui qui s'appelle Inquisiteur. Au premier plan. Attends, c'est l'autre qui s'appelle Inquisiteur. Il est content, vous, hein. C'est bien. Là, hein. Il aime bien le flou. Le mec, quand il demande des photos, il met des photos floues. Regardez, ça, c'est ma photo. C'est ma photo de vacances. Et en fait, il s'est foiré et il a pris des selfies et tout. Non, tu sais, le bon vieux truc du pouce sur l'objectif. Vous êtes méchant. Oui. Donc, ouais, Funeli. C'est le bleu. C'est le bleu. Je t'avoue, j'ai jamais vraiment réfléchi genre à quel était mon sabre préféré parce que je m'étais jamais beaucoup intéressée aux Jedi et tout, mais là, comme ça, à chaud, je dirais que celui de Maul dans Rebels et tout, je le trouve très très cool. Matt ? J'en aime plein. J'aime beaucoup. Niveau design, il y en a plein qui me plaisent beaucoup, mais j'avoue, enfin, le plus intéressant, c'est peut-être celui de Kylo, on va dire récemment, surtout au niveau de la construction. Je trouve que c'est super malin. L'idée de la lame qui vrille en permanence, le machin qui est prêt à péter, ça correspond énormément au personnage, je trouve. Complètement instable, c'est très cool. Je dirais celui-là, mais il y en a plein que j'aime bien aussi. Bah, merci tous les deux. C'est vrai, quoi. Oui, bah, en fait, le truc, c'est voilà, il est tellement réussi par rapport à l'histoire, par rapport même au design, au son et tout, que c'est vrai que à retenir des trucs récents en live action, c'est chaud, quoi. Même le Darksaber, pour l'instant, il n'est pas... Il parle du personnage. Enfin, ceux d'Obi-Wan sont très jolis aussi. Celui d'Anakin, il est emblématique, même si c'est basiquement un flash photo avec des morceaux de caoutchouc dessus. Ouais. Le Darksaber est très cool aussi, mais Versus Kylo, il raconte vraiment un truc. Donc c'est un peu comme cela, bah, pareil de Maul que dans, dans Rebels, il raconte un truc, donc c'est encore plus intéressant. Quoi. Eridan, qui parle des sabres d'Ahsoka, on n'en a pas parlé, mais... Ils sont très... Ouais. Moi j'aime beaucoup le. Il y en a un qui est plus long que l'autre, je crois. Ouais, et ouais. C'est ouais, ouais, ouais. Symétrique, c'est... j'aime beaucoup. Ouais, je peux pas dire le contraire. Souvent. Très très beau. Super. Et toi, Grushkov? Bah, moi, j'attends de voir ce qui sortira. Mais c'est vrai que. Avec le dès, République, dès 2014, le premier teaser. C'est très vite devenu mon design préféré, celui de Kylo Ren. Donc, j'attends de voir s'il y en a d'autres qui me plairont autant. Mais en plus, le truc dans celui de Kylo Ren, c'est justement que dans les épisodes 7 et 8, t'as un truc que t'as pas. C'est qu'ils avaient la maîtrise de leur mouvement, mais ils avaient la lourdeur des coups. Qui manque à la prélogie. En fait, ils avaient la maîtrise de leur mouvement qui manquait à la trilogie originale, et ils avaient la lourdeur des coups qui manquait énormément à la prélogie. Et du coup, t'as vraiment tout le truc mélangé où vraiment quand il tape, tu sens qu'il tape. Avec le son, l'apparence globale du truc, le fait qu'il soit rouge, oui, Matt, tu as tout à fait raison. Ben ouais, ça claque plutôt pas mal. Hein. Donc j'ai du mal à avoir un truc qui pourrait le détrôner tout de suite. Même le Darksaber, pour l'instant, on verra ce qu'ils en font, mais pour l'instant, il arrive même pas à le détrôner non plus. Et d'ailleurs, j'attends aussi de voir ce qu'ils vont faire côté High Republic, parce que je sais que pour le moment, enfin là, du coup, on n'a pas beaucoup parlé, mais je suis très fan des designs façon garde d'épée, où du coup, c'est cross garde, ouais. Sauf que c'est pas du laser sur la cross garde, tu vois. Il y en a qui en ont, il y en a qui en ont pas. C'est vraiment une épée, quoi. Il y en a qui en ont, ouais. Moi, j'aime bien ceux qui en ont pas, en fait. J'aime bien un peu celui de Stellan. Il y a un sabre dans Fallen Order qui a une espèce de cross garde, mais c'est pas laser, c'est. Il est très moche d'ailleurs là. Ouais, je trouve qu'il fait très ouvragé. Je vais vous retrouver le nom du mec, c'est Corvax. Oui. Corvax, mais non, mais c'est pas dans Fallen Order, c'est non. C'est dans les Républiques. Non, c'est non. Pardon, excusez-moi, c'est dans l'autre jeu. Avec Vador. C'est dans Vador, Immortal. Ouais, ah, j'ai trouvé un truc beau. Je crois qu'Adrien vient de spoiler un truc. Je confonds juste un truc par rapport à un autre nom. Non, je suis désolé. J'ai confondu un autre nom. J'ai confondu Corvax et Comac. D'accord. Saito nous dit que la garde de Kanan, c'est une garde de samouraï, apparemment. Ah oui, j'adore. Oui, voilà. À part celui de Kylo Ren, un de mes préférés, c'est celui de Kanan, justement, parce que j'aime bien le côté katana avec le bout en cercle là. Si je devais m'en faire un. En fait, moi, je suis très fan de tout ce qui est garde en général. Si je devais m'en faire un, il ressemblerait plus à celui de Kanan ou celui de Kylo. Donc, justement, Saito nous dit que c'est parce que quand tu parlais du poids des armes, etc., la trilo est plus basée sur les duels de samouraï, le prélo sur le wushu. Je ne sais pas ce que c'est. Et ça montre la différence parce que et la post-trilogie a rattrapé tout ça au niveau de la Corée, voilà, chorégraphie. Et oui, c'est vrai qu'ils ont essayé de faire des sabres plasma aussi en vrai, mais on n'a pas pris d'image. Mais il y a un mec sur, enfin une chaîne YouTube récemment qui a fait un truc. Alors pour moi, ça ressemble plus à une énorme torche plasma avec une garde de sabre qu'à un sabre laser à proprement parler. La lame est très courte. Oui, c'est ça. Et voilà. C'est le plus près qu'on a d'un sabre laser. Vous pensez qu'on en aura un jour des sabres laser qui se rapprochent un maximum de Non, parce que scientifiquement, c'est une grosse connerie. C'est impossible. Mais tu pourrais partager la vidéo que t'avais vue où des gars sont amusés à faire ce qui ressemblerait le plus à un sabre. On était en train d'en parler. Tu vois, c'est ça que t'es en train de discuter avec les gens à côté. Du coup, tu te rends pas compte qu'on est littéralement en train d'en parler là. Oui, c'est la chaîne Oziak Smith qui a fait ça récemment. C'est marrant à voir, mais... Ah, mais c'était ça le gars dont tu parlais. Oui. Si jamais que je coffre, je t'ai mis les sabres d'Asoka sur le drive aussi, je t'ai envoyé un lien. Mais du coup, elle a deux paires de sabres différents, si je dis... Enfin, si les sabres un peu aplatis, les sabres un peu aplatis, avec les gardes aplatis, enfin les manches aplatis, et les autres qui sont ronds. Ils sont moches, ceux qui sont ronds, je trouve. Ouais. Mais ceux qui sont ronds, c'est ceux que Anakin lui offre, non? Ouais. Les blancs. À la fin non. Des saisons, mais, peut-être, mais non, c'est pas lui qui lui donne les blancs. C'est qui? Mais c'est personne, elle les récupère elle-même, les blancs. Elle récupère alors, pas juste. Mais alors, dans la saison 7, ce qui lui file Anakin, c'est pas les blancs, c'est les bleus? Oui, c'est les bleus. Je suis perdu. Ouais. Hein, c'est les bleus. Il y a longtemps que je les ai pas vus. Et elle les laisse après le crash de vaisseau. A priori, les ronds, c'est le. A priori, les ronds, ça... ouais, c'est. Je regarde les. D'où viennent les images, elle les a dans The Mandalorian. Attends. Putain, je vois des références différentes, là, c'est bizarre. Bon, du coup, j'ai rien dit parce que j'ai l'impression qu'un coup j'ai une référence, un coup j'en ai une autre. Donc, dans The Mandalorian, je vois qu'elle a sur l'image de promotion de The Mandalorian, elle a ceux qui sont plats. Ouais, parce que les ronds, c'est ce que nous avons dit, Ridan. Donc les blancs, c'est ce qu'elle fait, elle, avant Rebels, du coup. Parce que dans Rebels, ils sont blancs. Et avant ça, donc c'est les ronds que Anakin lui remet, c'est les bleus, et elle les laisse à côté de l'épave du Destroyer à la fin de la saison. Okay, et du coup, dans Rebels, elle a bien les plats, donc les blancs. J'aime bien les deux versions, en fait. C'est ça. J'aime bien les deux. J'aime beaucoup le trait noir tout le long des ronds, là, ça rend bien, enfin, le décrochage, c'est cool. J'aime bien, ils sont jolis. Les deux sont jolis, je trouve, mais par contre, ça a un sens d'en avoir un plus court que l'autre. Au niveau de la manipulation, ben, c'est pas, c'est pas vraiment la taille qui compte. Truc de samouraï. Ouais. Oui, c'est... souvent t'en avais un long et un plus petit. Ça s'appelait pas un katana d'ailleurs, je sais plus. Ça commence par un B. Mais oui. T'as... Je dirais un Uchi katana, mais je suis pas sûr que ce soit ça. Attends, les espèces de couteaux japonais un peu courts, je crois que tout le monde a des noms différents pour les trucs. Oui. Et tu nous dis à Wakisashi. Et je crois que c'est, oui, ça semblait de ça, un sabre japonais courbe entre 30 et 60 cm. Mais pas comme moi. Pas de commentaire à dire. Allez, je me tais. Tu te tais, bah, ça tombe bien parce que ça fait quand même une demi-heure que j'essaye de conclure, mais. Bah excuse-nous, mais les gens s'intéressent aussi. Ils sont oui, là, hein. c'est ça qui est bien. Donc, du coup, on est peut-être parti encore pour une heure. Hein. Donc, On peut boucler. Moi, je pense qu'on est bien là. Tout le monde a dit nos sabres préférés et tout. Tu vois, je pense que c'est un bon c'est moment vrai, hein. Pour clôturer. Ouais, mais il y a Matt qui repart tout le temps. Oh, bah tiens, je t'ai repris ça. Oh, bah tiens, je t'ai repris ça. Excuse-moi. Ouais, un diesel. Hein, je nourris, pardon. Alors. Pour terminer, Charrette nous a mis en lien dans le chat une différence de scientifiques qui se sont amusés à calculer quelle température atteindrait un sabre dans la réalité pour faire tout ce qu'il fait dans la série. C'est bien de parler, de regarder le chat pour les rediffs. Mais elles y sont normalement. Pas sur YouTube. Au pire, on prend le lien et sur YouTube, on mettra le lien dans la description de la vidéo. Si on veut faire ça bien, on fera comme ça. Sinon, chier. Et puis du coup, voilà, je te laisse conclure. Non, mais vas-y, conclue maintenant. Ah, mais non, je conclue pas. C'était... Ah bon? Je conclue pas, moi. J'ai arrêté de conclure. Votez dans le chat. Qui est-ce qui est conclu? Bah, moi, je vais vous le dire, c'est Anne qui conclut avec le tone pour son pote Luc. N'oubliez jamais cette image. Que la force soit avec vous. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, sur Twitter. @FauconPod et sur Facebook si on poste des trucs des fois. Salut. Au revoir. Bye. Au revoir. Désolé. Stop le zizi.